En direct du Mallette Center, vous écoutez le premier épisode de la saison 2016-2017 de la soirée du podcast. L'alignement de départ pour le podcast de ce soir, le numéro 75, JF Crompe, et le numéro 31, JF Mallette. Bonjour tout le monde. JF, on joue en désavantage numérique, mais on est présentement le 24 juin, et puis, tout d'abord, bonne Saint-Jean, JF. Ben oui, toi aussi. Mais, plus important que ça, bon repêchage. Ben oui. C'est pour ça qu'on est là, à soir. On va couvrir le repêchage qui se produit en ce moment en direct pour nous. Il est 7h15 le 24, puis on va voir, dans le fond, on va couvrir les 10 premiers picks. C'est ça, parce que le Canadien repêche 9e aujourd'hui. Fait que c'est surtout ça qui nous intéresse présentement. Et là, on voit en direct M. Bettman qui salue la foule. Oui. On s'en calisse de lui. C'est ça. Fait que, débutons. Jeff, t'as un dossier pour nous, je pense. Ouais, c'est ça. Dans le fond, avant de commencer, j'ai fait une liste de, selon plusieurs experts, les 10 premiers choix qui pourraient sortir cette année. Pour rendre les choses assez faciles, j'ai comparé un joueur de la NHL avec le gars pour que les gens puissent comprendre un peu quel type de joueur qu'on pourrait avoir. T'as des notes papier, là, t'es old school aujourd'hui, t'es dans une folder, là, let's go, préparation. J'ai signé des choses avec un marqueur jaune, tout, c'est assez spécial. Donc, le premier choix au total devrait être logiquement dénommé Austin Matthews, qu'on a appris aujourd'hui, Mexicain qui vit en Amérique. Merci TVA Sport. Oui, pour l'information. Il parle un petit peu espagnol, ça a l'air, parce que sa mère, elle vient de là. Et puis, c'est un gars qui a joué en Suisse, fait que on pourrait dire quasiment un nomade. Là, il joue un peu partout. Là, puis, il s'est promené, en fait. Il a du vécu. Et voilà. Donc, c'est un joueur de centre qui mesure 6 pieds 2, 216 livres. Et ce jeune homme serait comparé à Andy Kopitar et Jonathan Toews. Quand même. Donc, un joueur assez complet que, techniquement, Toronto devait repêcher. Fait que je pense que leur premier joueur de centre, ils vont l'avoir en lui. Il y a c'est le gros pick cette année, c'est lui, dans le fond. Là. C'est le premier qui devrait sortir. Là. Ouais, donc bonne chance à Toronto qui ont gagné la loterie en passant. Donc, Attention, ici TVA Sport qui nous indique que le repêchage commence dans 2 minutes 51. Jeff, es-tu prêt? Moi, je suis prêt. Pis... As-tu vu le suit à Marc Bergevin? Parlons-en parce que... on dirait que. Ça fait jaser à chaque fois, là. Ouais, c'est des pantalons mauves avec un veston carotté jaune, rose, brun et beige, je crois. Il y avait des loafers aussi, hein, si je me trompe pas. Des loafers noirs, pas de bas. En exclusivité, ce soir, vous allez comprendre que Bergevin ne porte pas de bas. C'est des. C'est pas en cuir, mais c'est en Suède, je crois, ces loafers. Il porte aussi une cravate mauve. Il est stylé. Il est stylé parce que, tu sais, lui, là. Moi, comme directeur général, je regarde pour améliorer l'équipe. Est-ce que c'est ce qu'il va faire ce soir, améliorer l'équipe? Je sais pas. J'ai hâte de voir. Là. Tu t'attends à quoi, toi? C'est bien dur à dire. Là. Avec Bergevin, pas grand-chose. Mais il faut spécifier une chose, par exemple, que toi, tu pars en crise déjà avant que le repêchage soit effectué. Là. Ouais, c'est bien. T'as comme une genre de haine envers Marc Bergevin en ce moment pour toi. Il est sur la corde raide. Là, ou... Dans le fond, j'ai perdu intérêt pas mal du Canadien avec la saison qu'on a connue. Puis la façon que Bergevin s'exprime, que c'est impossible de faire un échange, que ça m'écœure, Esti. Puis il est trop cocky, c'est statu quo. Ouais, mais tantôt, ils ont montré, il est allé déposer une enveloppe sur la table des échanges. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Écoute. Pas de nouvelles là-dessus? Ça a l'air que, en tout cas, depuis 3-4 jours, là, la priorité de Marc Bergevin serait de monter au repêchage. Et puis, la rumeur veut qu'il repêcherait le jeune Pierre-Luc Dubois. C'est un gars qui ont scouté pendant des mois. Puis Bergevin le voit dans sa soupe selon ce qu'il se dit. Trevor Timmins l'adore aussi. Est-ce qu'il va le faire? Ça, c'est une autre histoire. Je pense qu'il y a eu peut-être plus de misère à calmer le monde avec les rumeurs qu'il y a eu sur Subban, parce qu'apparemment, Subban serait à échanger. Merci, Georges. Ouais. Ça que de ça hier. Fait que, puis aussi, une autre rumeur, c'est que ça a l'air que Canadien serait dans la course pour chercher un défenseur qui est Cam Fowler. On n'a jamais trop de défenseurs avec le Canadien. Ça, Marc nous l'a très bien fait comprendre dans les saisons précédentes. Ça prend des buts pour gagner des games aussi. Fait que ça serait le fun qu'il aille un peu améliorer l'avant. Là. Mais avec Pierre-Luc Dubois, je pense que ça serait automatique. Si tu veux chercher un autre défenseur, je vois pas là, qui prendrait la place à qui. Là. Écoute, on a déjà Markov, Petrie, Beaulieu puis Subban. Fait que là, tu vas chercher un autre défenseur pour compléter ta troisième paire quand tu as déjà Patrin puis Barbario. À un moment donné, calme-toi. Mais c'est... Écoute, Il travaille fort, on le voit bouger, il félicite le monde, signe des autographes peut-être. Ben, Barbario, d'ailleurs, a signé... Il a signé 2 ans pour 750 000 par année sa masse salariale, ce qui n'est pas beaucoup. Puis je pense que c'est un bon. C'est pour un septième défenseur, je pense que ça serait bien correct, ça ferait un job. Mais Guy Lafleur en serait fier. Là. Guy qui est sur notre... Guy Lafleur. Qui est dans notre studio de fortune. Et aujourd'hui, il faut le dire, on est chez vous. On a comme improvisé quelque chose. Oui, on s'est fait un petit setup justement là, plus relax pour suivre le repêchage. Puis c'est l'été, tu sais. Puis on n'a pas de vie parce qu'on ne fête pas la Saint-Jean. On fait un podcast en écoutant le draft. Ouais, nous autres, on écoute le draft à TVA Sport. Fait qu'on l'écoute en français pour vous autres. On l'écoute surtout pas de son, je te dirais. Ouais, c'est ça, surtout pas de son. Puis fait continue aussi avec les prochains prospects là, qui peuvent sortir dans les premiers dans le premier top 10. Là. Ben, juste en passant, à l'heure actuelle, on pourrait quasiment dire que ben, Toronto est sur le stage, fait qu'ils sont sur le point d'annoncer leur choix. Lui, Lamoriello a l'air d'un prêtre. donc, on va le savoir dans quelques instants qui vont repêcher, mais ça pourrait être Austin Matthews, comme le dit tout le monde. Ben, c'est quasiment sûr, là. On pourrait dire comme deuxième choix possible pour les Jets de Winnipeg qui repêchent deuxième. Finlandais au nom de Patrick Lane ou whatever qui serait comparé à un genre de Timo Selänne, mais ça c'est facile à dire parce que le gars il est finlandais. Ah ouais, c'est un ailier droit ou gauche selon les feuilles. 6 pieds 4, 201 livres. Puis moi là, ce que j'ai vu c'est qu'il a l'air plus d'un Patrick Kane, c'est un scoreur. Donc, ça serait vraiment... Voilà, c'est officiel. C'est officiel, le Mexicain était repêché dans l'Arizona pour les Maple Leafs de Toronto. Présentement, il embrasse toutes ses sœurs et les femmes dans les estrades. Il y a un Asiatique qui est très excité présentement. Je crois que c'est un fan de Toronto, mais je ne suis pas certain. Pierre-Luc Dubois a l'air nerveux en arrière. T'as un vieux papy qui rit. Je sais pas c'est quoi la fin. Pierre-Luc Dubois qui arbore une chemise et une cravate en satin rose. Acheté chez... pas Châtelain, mais le château. Châtelain. Pat Brisson, il est bien content aussi. Il vient de donner une petite accolade aux jeunes qui marchent sans tomber. Alors, c'est un gars qui a joué... La fin qui est spéciale, je l'ai dit tantôt que lui, au lieu de jouer dans le junior, maintenant dans l'Ontario, il a joué en Suisse. Il y a des bas McDo présentement, comme on voit à la télévision. Il a déjà joué dans une... Ben, en fait, il n'a pas déjà joué. Il a joué dans une ligue d'hommes, de professionnels, dans le fond. Puis c'est Mark Crawford qui l'aurait coaché. Ah ouais? Et puis, il aurait joué aussi avec un autre joueur de la Ligue nationale. Je ne sais plus c'est qui, j'ai lu ça l'autre jour. Là, mais écoute, ça a l'air qu'il est vraiment talentueux. Puis ça pourrait être bon pour Toronto. Je leur souhaite bonne chance, d'ailleurs, à Toronto. Ils en ont un petit peu besoin, peut-être un petit peu plus que nous autres, mais je ne parlerai pas trop vite. Alors, Patrick Lane, deuxième choix. Qui s'en puissant. Vient probablement le prochain à être repêché. Ouais, là, l'Amarillo, il rit ben trop. Là. Fait que, ça pourrait être intéressant pour ça. Dans comme Dr. Evil. C'est beaucoup de y a beaucoup de monde qui prend ça en photo. Hein. Des fans des Leafs qui sont présentement à Buffalo pour prendre des photos du premier choix, un moment historique. Mais pourquoi est-ce que TVA Sport nous montre des gens dans la foule, des spectateurs qui prennent... Faudrait demander la question photo, parce que au réalisateur. Ben, c'est peut-être pour faire des pubs. Et là, voilà, c'est fait. Austin Matthews a enfilé le numéro 16. La manche est pognée en dessous présentement. Il y a de la misère. En passant, c'est un nouveau chandail des Maple Leafs de Toronto cette année qu'ils ont dévoilé hier, justement. Là, moi, je regarde le chandail et il est là. Mais il est pareil, calisse. Qu'est-ce qu'il y a de différence? Ben, je pense que la feuille, il y a plus de pics au bout que dans l'autre. Ah, il pense que ça va être plus agressif comme ça avec plus de pics. C'est pas une idée de Brandon Shanahan. Là, je pense que sa mère a pleuré. Mais c'est très émouvant d'être repêché. Ta vie commence là. Il faut que tu travailles tous les étés. Tu sortiras pas d'un bar. Il va trouver du temps. Il va trouver du temps. Surtout à Toronto, où ce que le. Je pense que. Quand t'appelles ça, quand tu rentres à ta l'heure, là. Un couvre-feu. On a des news. Là, je sais pas si je devrais prendre ça dans les news qui viennent de la chatroom, mais ça a l'air que l'heure, c'est l'heure, aurait été échangée. Ah oui, j'ai pas vu ça pendant tout, moi, l'heure, c'est l'heure. On va aller regarder ça pour vous en ce moment. Oui, c'est en attendant ce que je peux parler de Lars Seller, je vais vous parler du troisième choix de Columbus qui pourrait possiblement être échangé. Il y a des rumeurs beaucoup là-dessus. C'est Jesse Puljujärvi, qui est un autre ailier droit, mais un autre gars immense. 6 pieds 3, 201 livres. Encore là, le monde, on manque d'un petit peu d'inspiration. Il le compare encore à Timo Selänne. Alerte transaction. Lars Seller est échangé contre un choix de deuxième ronde des Caps en 2000. Deux choix de deuxième ronde pour Lars Seller. C'est pour ça que le monde félicitait Marc tantôt, hostie. Canadien, je sais pas. Ils ont été chercher, Andrew Shaw contre les deux choix de deuxième ronde en 2016 du Canadien de Montréal pour Andrew Shaw. Donc les choix 39e et 45e choix du Canadien cette année contre Andrew Shaw. Puis on a le choix de deuxième ronde de Capitals de cette année puis l'année prochaine. On va aller chercher les stats d'Andrew Shaw. C'est-tu le gars qui a traité quelqu'un de... Tu sais, il a fait des propos homophobes, lui, pendant les playoffs. C'est-tu lui? Je sais pas. Je pense que c'est lui. Un gars à problème, dans le fond. Ah, mais on est bon, le Canadien, si c'est jamais c'est ça. Ben là, c'est parce que l'affaire que je serais curieux de savoir aussi, pendant que tu Je remercie Hockeyman dans la chatroom qui m'a pointé vers l'échange. Je suis comme content, puis je pense que je suis content aussi pour Andrew Shaw. La seule chose que je m'inquiète, honnêtement, c'est de savoir combien il est payé. Toi, pendant que tu checkes les stats, je vais aller voir combien que Andrew Shaw serait payé. Fait que on vous rappelle que le deal, c'est que le Canadien échange Lars Eller contre le choix de deuxième ronde 2017 des Capitals et 2018 des Capitals. Et le Canadien échange leur deuxième choix, le 39e et le 45e, contre Andrew Shaw, qui est un attaquant des Blackhawks de Chicago. Fait qu'on n'a plus de choix de deuxième ronde cette année. Non, on en avait deux, là, on n'en a plus. Ça part vite. Hein? C'est parce ça, que l'affaire, c'est ça part, que... les affaires, ouais, c'était pas là, prévu. Là, on repêche 9e. Le repêchage n'est même pas commencé vraiment encore. Ah oh, non, OK. À la télévision, dans le fond, ce qui nous montre le countdown, c'est... Ah, c'est peut-être le prochain choix. C'est entre les picks, OK, c'est bon. Ah, au moins, il y a du temps, parce que des fois, ça jase en esti de leur grand-mère, puis ça s'éternise tellement, là, les repêchages. Donc, à Chicago... on va aller voir ça. Esti d'iPad des fois. Là, ouais, moi aussi, là, en ce moment, j'ai l'air d'un cave, là, puis ça marche pas, mon affaire. Ouais, on paye ses boutons, puis là, je pense que tout le monde est allé voir les mêmes affaires. Là. OK, ça, Andrew Shaw, sur le cap hit, il est à 2 millions de dollars, puis il devient restricted free agent, donc agent libre avec restriction l'année prochaine. Andrew Shaw, qui est un centre, bah, pas sûr de ça, là. Je pense que c'est un allié. Là. OK, t'as peu là, on donne vraiment le pire show du monde. Des problèmes techniques présentement, ben... On n'est pas habitué à couvrir les événements en direct, en fait, nous autres, d'habitude. Là. Non, pendant qu'on cherche les infos sur Andrew Shaw... Je l'ai ici. Si on peut parler un peu de Lars Eller. Lars Eller, c'est un gars qui était tellement constant à Montréal qu'il faisait 30 points par année pendant 6 ans de temps, Steve. Fait qu'on s'en calisse de lui. Ben, la salaire sexuelle pour aller patiner ailleurs avec sa grosse face enflée. Puis lui, il était payé combien, Lars Eller? Je pense qu'il était payé 3,5 millions si ma mémoire est bonne. Fait que là, on vient de sauver 1,5 million sa masse salariale pour cet été avec la signature d'Andrew Shaw qui pourrait probablement coûter cher l'année prochaine. Andrew Shaw, qui est un ailier droit. Ah, bon. De 24 ans. Repêché 5e ronde, 139e en 2011. C'est quoi? De quoi ça a l'air, ses stats l'année passée? Regarde-moi ça ici. Donc, 34 points, 14 buts, 20 assists, plus 11. Fait que c'est un gars qui est en, c'est un projet dans le fond. Mais est-tu gros? Ben, 81 kilos en fait. Ça, c'est à peu près 180 livres, je te dirais. Fait que c'est pas bien, bien gros. Là. Puis, 1m80, c'est quoi ça? C'est pas loin de 6 pieds, là. On a-tu encore un gars en bas de 6 pieds, je sais pas. On va aller checker pour être sûr. Là, on fait la conversion. Non, mais continue sur les draft picks qui s'en viennent. Ben là, dans le fond, le quatrième au total, qui est justement, ça, c'est le gars que je vois dans ma soupe. Mais encore là, il faut que le Canadien fasse une autre transaction pour pouvoir acquérir ses services. Parce qu'il pourrait sortir quatrième, cinquième, selon plusieurs experts. C'est Pierre-Luc Dubois, qui est le joueur nord-américain le mieux coté dans la Ligue cette année. Et puis, ce gars-là, mon GF, là, si on voit le pogner, tu sais à qui est comparé? Non. Jamie Benn. Oh! Fait que c'est un ailier de puissance qui peut jouer au centre aussi. 6 pieds 2, 205 livres. Il vient d'avoir 18 ans aujourd'hui. Ce serait un beau cadeau pour lui de se faire repêcher. Ben, ça serait aussi un beau cadeau pour les Québécois qui seraient récemment tout chaud en train de fêter la Saint-Jean et d'écouter des chansons répondre en direct à TVA. Pas sport, mais l'autre TVA. Moi, j'aimerais ça, mais encore là, regarde, là, on vient de faire un deal. Marc a bougé, Andrew Shaw. Est-ce qu'il va faire un autre deal pour aller chercher Pierre-Luc Dubois? Ça serait à suivre, dans le fond, qu'on va savoir peut-être dans les 30 prochaines minutes. Là, on voit Kevin Chenchundov, qui est le DG des Jets, qui va prendre repêcher Patrick Lane. Alors, Pierre-Luc Dubois, mon GF, s'il est repêché à Montréal, ouais, ça serait la fête. Parle-moi-en de lui. Ben, tu sais, c'est un allié gauche. Fait que je sais pas s'il est NHL ready, mais s'il vient à Montréal, d'après moi, il pourrait peut-être facilement percer le top 6. Un peu comme Galchenyuk l'a fait avec Gallagher la première année. Ouais, ouais. Fait que Andrew Shaw, qui est un gros bonhomme, puis je pense que c'est un gars qui a du grit, là. C'est pas un joueur que Martin va sûrement aimer, là. Un gars qui travaille fort dans les coins. Moi, je le verrais sa deuxième ligne de Petit Dubois. Puis en plus, il avait déclaré en entrevue avec le Canadien de Montréal, ça c'est Dubois qui l'a dit aujourd'hui. Le Canadien de Montréal, dans le fond, ils ont posé des questions pour savoir un peu comment ils voyaient ça, un jeune qui viendrait jouer à Montréal. Puis il dit, moi, je veux être le gars qui change la donne pour montrer que les Québécois sont capables de réussir à Montréal, qui n'ont pas peur puis qui sont prêts à faire face à la pression. Ça, je trouve que c'est une maudite bonne réponse. C'est de la musique dans mes oreilles. Ça. Ah, j'aime ça. J'aime entendre un joueur qui dit ça. Est-ce qu'il va vraiment le livrer si jamais ça arrive, qu'il vient à Montréal? C'est à voir, là, mais... Je sais que Vancouver, c'est un an qu'il l'aime beaucoup. Fait que s'il vient à Montréal, écoute, c'est pour moi, ça serait ma Coupe Stanley cette année. S'il vient pas à Montréal puis qu'on repêche un défenseur, mais ça va juste être de la constance de Marc. Dans le sens qu'il y a la pression pour les Québécois à Montréal puis tout, là, que je suis tellement d'accord avec lui que c'est un peu de la bullshit. Puis c'est pas vrai que les Québécois peuvent pas réussir dans le Canadien. Là, arrêtez-moi ça avec les estimes médias. Là, c'est... Sont juste épais, trop de pression. Le meilleur exemple, c'est Guillaume Latendresse. Tu sais, quand il a connu son premier bon camp, puis après ça, ils ont commencé à dire que c'est le prochain Guy Lafleur. Puis là, tout le monde criait Guy, Guy, Guy. Hey, tabarnak. Ça, c'était un petit peu la faute de Bergeron, hein, mais Michel, parce que lui, il voit dans sa suite, puis dans ce temps-là, c'était 110%, puis il dit « Ah oui, man, c'est le prochain Guy Lafleur! » Là, le monde a cru à ça, parce que le problème, c'est que beaucoup de monde qui n'ont pas beaucoup de quotient, qui écoutent le sport, qui croient à des choses comme ça, que du monde comme Michel Bergeron va dire. Fait qu'il faut faire attention aux déclarations, puis à un moment donné, il faut laisser les gars jouer. Fait que, exact. Là, on peut voir Patrick Lane qui embrasse sa mère, sa sœur, sa tante sa et cousine. Peut-être la femme de l'autre. La Finlande est en hystérie présentement à Buffalo. Patrick Lane est repêché deuxième. Comme d'habitude, vous le savez bien, les Finlandais sont blonds, fait qu'il est blond lui aussi. Il est blond longtemps, lui. Hein? Ben, c'est spécial. Moi, quand je vois du monde blond même, je pense à Draco dans Rocky. il était très bon au championnat junior, Patrick Lane. Il a vraiment dominé. Là. Fait que c'est un gars qui est NHL ready. Winnipeg sont morts de rire. Eux autres qui étaient supposés de repêcher sixième à cause de la loterie ont été deuxième. C'est vraiment un très bon coup là, pour les Jets. Ça va les aider beaucoup là, cette année. Ça, écoute, c'est un gars qui va probablement déjà jouer sur le top 6 puis peut-être un candidat pour le Trophée Calder déjà. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, Austin Matthews aujourd'hui pour Toronto. Fait qu'il ne faut pas penser qu'il va péter la place tout de suite. Là. Il faut quand même penser qu'il n'y a pas grand-chose à Toronto qui sont prêtes pour dominer. Là. Patrick Lane qui vient de Tapara en Finlande. Tapara, c'est à côté de Glendo. Ouais. C'est juste à quelques kilomètres, miles ou pas. Deux, trois affaires pas loin. Je suis content que Patrick Lane ait pris la peine de serrer la main de Gary Bettman ou ce que si on se souvient l'année passée qu'il y a un joueur qui a carrément ignoré Gary Bettman devant tout le monde. Là. D'après moi, c'était de la nervosité. Hey, tantôt, Jeff, il y a eu des breaking news pendant qu'on attendait que le podcast débute par rapport à Evander Kane. Oh boy! Il y aurait eu deux chefs d'accusation au criminel contre Evander Kane. Ouais, il était au bar, les queues à l'air. Il était au bar, bottoms up. Puis à l'heure, c'est pas une joke, c'est vraiment ça le nom du bar. Puis à l'heure actuelle, on n'a pas de détails sur les accusations. Il s'est sûrement battu. Là, on pourrait faire un pot. Est-ce qu'il s'est battu? Y a-tu agressé une femme? Y a-tu pris de la drogue? Y a-tu porté des pantalons de jogging ou ce qu'il fallait pas? C'est peut-être le secret d'Evander Kane, ça, justement. C'est ça. Déjà qu'il n'y a rien à faire à Buffalo, là, je vois pas pourquoi il se pognerait dans. Puis c'est quoi ça, un bottoms up? Là? Je sais pas, c'est le nom du bar, là. Fait que c'est le... Écoute, j'invite nos les auditeurs. Derrière dans les airs. C'est... Peut-être, mais allez voir sa page Facebook ou sur Google. C'est quoi ce genre de bar? On veut savoir, on veut des photos sur Instagram ou sur Facebook. Instagram. Qu'est-ce qui aurait pu se passer avec Evander Kane? Fait que si Evander Kane il a des. Il est accusé au criminel, ça veut dire qu'il peut aller en prison. Ben, je pense que oui. Est-ce-tu d'épais pareil? Parce que ce gars-là, je pense qu'il devient agent libre l'année prochaine. Fait que là, s'il se passe plus rien, là, il va faire un nom du genre de Zach Cajun. Il va scraper sa carrière et il va se retrouver d'indisparu. T'avais pas des infos sur Cajun cette semaine, toi, en plus? Ouais, c'est sorti cette semaine que le commanditaire de Cajun qui avait passé le pick-up qui est rentré dans l'arme, le roi du camion à Saint-Hubert, poursuit Cajun et sa demoiselle pour 82 000 $ parce qu'ils ont scrappé le truck qu'ils ont passé. Le roi du camion. Ouais, c'est ça le nom du dealer. il choisit les dealers. Cajun. Ben, c'est ça, d'après moi, c'est genre des petits peddlers qui vendent des trucks. Ah, il doit avoir bien l'expérience avec les dealers. Lui, de toute façon, Cajun. Ouais. Il connaît bien ça. Ah ouais. Hey, un autre qui a été accusé de quelque chose aujourd'hui, Jim Benning. Ben oui, parce que Jim Benning... Ou c'est dans la nuit que c'est arrivé, cette affaire-là? C'est arrivé hier après-midi. Après-midi? Jim Benning, c'est le DG des Canucks de Vancouver. C'est un cas qui est un peu épais, parce qu'il est en entrevue hier à TSN, en Colombie-Britannique. Il a carrément dévoilé son jeu à tout le monde en disant qu'il avait appelé Marc Bergevin pour acquérir les services de Piqué Subban, mais que le prix était très élevé. Fait qu'il a dit que s'il y avait un deal à faire, il le ferait pendant la nuit. Puis après ça, il a commencé à dire « Je vais signer Lucic, je vais signer Louis Eriksson. J'ai de l'intérêt pour Stamkos, fait que je vais probablement aller le chercher lui aussi. » Je vais appeler pour Subban, ouais. C'est... Le problème, c'est qu'il est accusé de maraudage. T'as pas le droit de parler d'un gars qui est déjà sous contrat dans la Ligue nationale. Puis le fait d'avoir dit ça, ça a créé un monstre style des médias sur Twitter, partout. Tout le monde ne parlait que de Subban qui serait échangé. Georges Larac, qui prétend qu'il connaît quelqu'un à Edmonton, a commencé à dire que Subban serait échangé à Edmonton. C'est, écoute, c'était l'enfer. Je lisais ça, là, puis je commençais à faire de la haute pression là, tellement que c'était ridicule. Alors qu'on voit Marc Bergevin en ce moment avec sa cravate mauve... Qui ouais, parle probablement du lunch d'après le repêchage. Ah, le gars qui a Momo de sa tête à côté, c'est Rick Dudley. Je me demandais c'était qui tantôt, Calis. Il a l'air d'avoir des cheveux faits en feutre. Ben, il y a comme deux tons, hein. C'est comme gris en haut, puis oh, là, on a l'angle de vue de face maintenant. Malaise de Trevor Timmons qui sait qu'on le regarde en esti. Marc qui demande son haut les toilettes. L'autre gros bonhomme, là, qui est on dirait qu'il a ses stéroïdes au bout, là. Je sais pas c'est qui, hein. Il a l'air tough. Je sais pas, mais on aurait les commentaires de Marc Bergevin ici. Marc, écoute, je vais... C'est pour ça qu'ils écrivent un texto. Tantôt, on a vu Marc Bergevin montrer un texto à Rick Dudley. Est-ce que c'est un caractère immense? Genre, je pense que c'était du 36, est-ce que son iPhone? 36, c'était ouais, la grosse affaire. Là. Deux choix pour Lars. En passant, Lars avait déclaré cet été qu'il était confiant et qu'il allait s'entraîner pour être encore meilleur cette année. Ouais, mais d'abord, Lars, là... Moi, une petite pensée à Dave qui aimait tellement Lars Eller. Ah, son préféré. Il doit être présentement très heureux. Il a sûrement dû sabrer sa bière pour fêter ça. C'est clair. Jeff, t'es sur la Modelo à soir? Ouais, la bonne petite Modelo qui est, je pense, un des seuls qui boit ça, on dirait. Ça a l'air, je sais pas. Elle est bonne. Moi, j'aime bien ça. Si tu moi, je suis un peu fancy. Aujourd'hui, je bois une bière de microbrasserie Charlevoix, une session IPA. Puis c'est pas une petite bouteille? Non, c'est une 500 ml, une grosse bière. Puis elle est juste disponible là-bas, celle-là. Fait que à Charlevoix. Fait que, ouais, c'est ça. Je l'avais gardé pour ça. Justement, pour l'occasion spéciale. Et Andrew Shaw à Montréal. Et voilà, on s'en verse une. Puis on continue. Et là, c'est Columbus qui s'en vont sur le stage. Ouais. Là, c'est Jarmo Kekäläinen qui va probablement repêcher Jesse Puljujärvi. Il y a beaucoup de rumeurs qui disaient qu'il allait changer son choix de troisième rang, mais finalement, on voit que ça n'a pas marché, fait qu'il va repêcher. As-tu vu le col de ma bière? Ça n'a pas de bon sens. Okay. Hey, avant de continuer, tu parlais d'Andrew Shaw. Il y a Hockeyman dans le chatroom qui nous donne une spécification. Ce qu'on disait tantôt, la suspension, dans le fond, d'Andrew Shaw, c'est en avril 2016, 5 000 $ d'amende pour propos homophobes. OK, c'est ça, c'est bien lui. Suspendu pour un match. Il avait l'air vraiment genre il a dit des propos je pense homophobes sur la glace si je me trompe pas, puis ça a fait une grosse histoire en première ronde, fait que finalement Chicago l'a échangé, mais Chicago sont à côté sa masse salariale, fait que c'est normal qu'ils échangent des gars de même pour des choix au repêchage. Qu'est-ce qu'il dit? Okay, merci la presse plus de m'avertir 10 minutes après que Lars Eller s'en va à Washington, mais nous ce qui nous intéresse c'est ce qui s'en vient présentement, et je pense que le staff du Canadien va être très déçu de la tournure des événements. Pourquoi Pierre-Luc Dubois est repêché? Je me fais filer des informations dans le chatroom que quelqu'un qui a le fil est avant. C'est vrai qu'on est un peu en retard de quelques secondes, quelques minutes. TVA Sports sont en retard sur le feed présentement. Ça a l'air parce que. Ben, si Pierre-Luc Dubois est repêché par Columbus, là, je pense que. Non. Sont épais d'avoir fait. Ben, quoique Jesse Puljujärvi est un très bon joueur aussi, mais encore là, il faut qu'on aille chercher le choix du monde. On est vraiment en retard sur. C'est-tu bon, fait, là? On va avoir le choix en ce moment qui s'en vient de Columbus. Est-ce qu'il a l'air d'un vilain dans Die Hard, lui? Tabarnak. Là, je parle de Jarmo. Tabarnak! Alors, le jeune avec la chemise de satin rose s'en va jouer à Columbus. Alors qu'on voit la déception dans la face de sa blonde. Et sa mère qui ça pleure pas mal, hein? On dirait, vas jouer à Columbus? Fuck! Un autre talent gaspillé qui s'en va jouer dans une équipe de marde. Bon, qu'est-ce que le Canadien va faire d'abord, JF, là? Ben, je pense qu'ils vont pas faire de move, tout simplement, puis ils vont pêcher 9e, on dirait bien, là. Fait que qu'est-ce qui devait arriver est arrivé. Canadien va pêcher 9e. Oui, parce que je pense que personne ne s'entendait à ça. Encore la presse qui vient de m'avertir que Lars-Eller était changé. Regarde, c'est parce qu'on y a un repêchage aussi. Il faut que tu repêches du monde. Ça fait chier, ça. Et tabarnak, il y a comme des moutons roses estis dans son veston. Oui, l'intérieur est encore plus rose que sa chemise. Ouais. Il monte sur le stage en ce moment. Pierre-Luc Dubois, très confiant, sort la main à Batman. Ah, le calice, il aurait pas dû. Alors qu'on voit des gens pleurer dans la foule. Puis dire, ah, mais tabarnak, Columbus, passe-moi un Kleenex. Sa mère qui s'essuie les yeux. C'est beau de ces moments-là qu'on voit. C'est beau, puis ça fait chier un peu parce que. Non, sérieux, c'est le gars, je voulais tabarnak. Ben, regarde, qu'est-ce que tu veux faire? Alors c'est sûr que c'était imprévisible le repêchage, mais JC Poulou. Je parle toujours de Poulou Jarvi, là, mais ça a l'air que c'est un assez bon joueur. C'est juste qu'il est finlandais. Regarde, il faut qu'on s'améliore, tabarnak. Fait qu'à un moment donné. Là, mais est-ce qu'on s'est amélioré en amenant. Andrew Shaw, puis en se débarrassant de Lars-Eller? Oui, parce qu'on n'avait pas de place pour Lars-Eller. Tu sais, c'est un joueur de centre qui jouait à l'aile, puis finalement, à l'aile droite, dans le fond, JF, où c'est j'ai mis mon... Sors tes feuilles, JF, là. On veut avoir tes informations. J'avais fait une simulation d'un alignement pour savoir, dans le fond, quel joueur qu'on pourrait aller chercher, puis quel joueur que j'aurais voulu garder, genre mon noyau à Montréal. Là, ce que je dis, c'est mon opinion, là. Fait que si vous me jugez, là, Chris, à un moment donné, chacun a son opinion, là. T'as boîte, non, mais c'est défensif, c'est quoi? Ben, c'est parce que dans le fond, tu vas dire de quoi, hey, t'es bien épine. Je veux pas faire un Martin Lemay de moi-même. Là. Ah, on en parlera après de ça, de Martin Lemay. Ouais, vous allez comprendre. Restez à l'écoute. Dans le fond, moi, mon premier trio, là, je voyais, c'est sûr, Chucky. Puis Pacheco. C'est un beau duo qui a fait une bonne performance. Gallagher joue avec eux autres, mais Gallagher, là, j'aimerais ça le mettre sur une autre ligne pour qu'on puisse balancer les trios un peu. Fait que Andrew Shaw, moi, dans le fond, je me disais, ça prendrait un ailier droit. Je ne savais pas qui qu'on aurait pu prendre, mais Andrew Shaw est un ailier droit. Fait qu'il pourrait jouer sur le top 6. J'imagine que c'est pour ça qu'on allait le chercher aussi. Fait qu'on a un spot de. On était très faible à l'aile droite. À part Gallagher, on avait Andrietto puis Barron qui sont des ostinés. Fait qu'à un moment donné, ça va prendre quelqu'un de plus gros pour pouvoir balancer les choses. Ensuite, comme joueur de centre sur le deuxième trio et comme ailier gauche sur le deuxième trio, j'ai mis personne parce que je me dis que qu'est-ce qu'on a, c'est de la merde. Fait que j'espère juste qu'on pourra trouver quelque chose pour pouvoir améliorer l'équipe au top 6. C'est-à-dire, ça prend un joueur de centre et un autre ailier gauche. C'est la troisième ligne. Moi, mon joueur de troisième centre, ce serait Philippe Dano. Et puis. D'ailleurs, Dano, ça se parlait qu'il magasinait les contrats cet été. Il voulait voir les offres qui allaient lui être offertes. Philippe Dano? Oui, j'ai entendu ça. J'ai lu ça sur Twitter. Il était avec restriction, mais dans le fond, techniquement, il devrait rester à Montréal. Je m'entends pas. J'espère bien qu'il reste. Ouais, j'étais bien satisfait de sa performance l'année passée. Là. Je pense que c'est un bon projet. C'est un centre défensif, puis il a quel âge? 24 ans? Oui, il a l'air son affaire. Il doit avoir à peu près ça. Puis Bergevin est moins dans sa soupe quand il l'a repêché en 2011. Fait qu'à un moment donné, Bergevin, là, il en mange en tabarnak de la soupe dans une année parce qu'il envoie du monde dans sa soupe. Puis, Ça s'affirme qu'il voit d'autres choses. On se ramasse juste avec 2-3 croutons finalement à la fin. Là. Non, c'est ça. Brasse ta soupe, puis mets d'autres choses. Des analogies culinaires de hockey, c'est tout incroyable. Ben, c'est pour ça que moi je pensais peut-être on a vu des pingouins qui étaient extrêmement bien balancés ces trois premières lignes, tout ça. Fait que moi j'aurais vu un gars comme Dano, puis peut-être essayer Andrietto qui est très vite, que c'est un contrat d'un an d'ailleurs de moins $1 million. Et puis Daniel Carr qui m'a quand même impressionné l'année passée malgré le fait qu'on avait une descente aux enfers qui a duré quasiment 6 mois. C'est impressionné pendant que c'était un slump total avec le Canadien. Puis c'est le seul qui marquait, qui s'était blessé en plus pendant cette période-là. Fait que moi, comme troisième ligne, dans le fond, je le rappelle, Pacho Shockey, c'est mes gars que je garde sa première ligne. Après ça, on peut mettre Andrew Shaw. J'ai Gallagher que je garde aussi dans mon top 6. Puis le reste, c'est Tu mettrais Shaw vraiment sa première ligne, toi? Ça peut être avec Gallagher ou Andrew Shaw, mais Shaw, je le vois sur le top 6 techniquement. Daniel Carr, Dano Andrighetto pour jouer sa troisième ligne. Puis comme quatrième ligne, j'ai Torrey Mitchell, Paul Barron qu'on a signé aussi, qui était très efficace en désavantage. Je le vois sa quatrième ligne à l'aile droite. Alors que le prochain pick, ça arrive en 30 secondes. Ouais, ça c'est. Ah, les Oilers d'Edmonton qui devaient justement échanger leur choix de quatrième ronde éventuellement, puis que je pense que finalement ils vont repêcher quatrième. Puis Edmonton, ils ont un sérieux problème à défensive. Moi, je m'attendais qu'ils échangent leur choix pour améliorer leur défensive, puis repêcher un défenseur. Je pense pas que c'est ça qui va arriver en fait, là. Quoique Peter Chiarelli, c'est un imbécile de Boston qui a échangé Tyler Seguin. Fait que je pense que le gars, à un moment donné, ça prend deux mondes pour danser. Si mettez l'eau dans votre vin, tabarnak, puis faites le move, gars. Marc n'a pas eu peur, il a échangé Lars-Eller. Il était capable d'échanger Lars-Eller. C'est toujours surprenant. Je pense que je vais réaliser demain matin. Lars est échangé. Il s'est débarrassé de bien des jambons. Marc, au moins, il faut lui donner ça. Là. Puis, il ne faut pas oublier qu'il a sauvé aussi 1,5 million de sa masse salariale. C'est très important de sauver l'argent, dans le fond. Qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent-là, notre beau Marc? Il va s'acheter des sauts encore plus stylés. Là. Probablement, oui. Ou peut-être des bas. Il y a peut-être frais de la climatite à la planche. Un rendez-vous chez le barbier. Il est l'étang du bois avec une casquette de Columbus. Je ne suis pas sûr qu'il va la porter souvent. Je pense qu'il va avoir son propre branding. Puis tout le monde va le haïr là-bas à cause que c'est sa propre marque. Ah, faudrait poser la question à Marthe. À Marthe ou à Piqué Souban ou à Guy Lafleur. Et boy. Lafleur qui est passé pour un épais. Je pense qu'il y avait quoi, une fondation, puis il s'est fait interviewer, puis il a dit des niaiseries, le petit Lafleur. Là. Ah, c'est dans une affaire de fondation, tu veux qu'on parle de ça? Parce que là, il y a eu bien des rumeurs sur Souban qui. On va attendre de voir le pic des Oilers avant de parler de Souban, dans le fond. Tout le staff des Oilers s'amène la tête basse sur le stage en ce moment. Il y a quelqu'un qui est drôlement roux et frisé. C'est-tu un chanteur de Lord Larry Adjust qui est sur le stage? Et, OK, c'est un kid. Il est bien grand, tabarnak. Alors, Peter Cherrilly qui pense qu'on est au mois de novembre avec sa stache. Qui parle avec sa moustache dans la bouche puis ses petites lunettes. Puis il était pas un peu s'il repêche un attaquant. Je vous rappelle, je sais qu'un de nos fans qui est un grand fan des Oilers justement, excuse-moi là, mais si Edmonton repêche un autre attaquant comme Jesse Puljujärvi, c'est ce qu'ils viennent de faire. Il était épais en tabarnak. Là. Excuse-moi, là, mais Edmonton là, sont comme full fort en avant. Ben, il n'y a aucune chimie. Puis ils sont pourris à défense, c'est-tu. Là, encore le drapeau de la Finlande qui se fait aller. C'est-tu moi où il ressemble à Olli Jokinen, Puljujärvi? Ils ont des petits gros mentons solides. Lui, pas sûr si tu crisses une volée, genre le menton va débarquer. Ben, alors là, il y a eu comme un genre de malaise. Malaise de la bouche ou la joue. Là. Un malaise de bec entre deux gars, c'était très merveilleux ça. Alors qu'on le voit dans les juniors qui sont gros casse en ce moment. Comment on prononce son nom, Puljujärvi? Puljujärvi. Puljujärvi. L'affaire qui est drôle avec Puljujärvi, justement, c'est que au lieu d'embrasser sa mère, sa soeur, sa tante et ses cousines, il a embrassé juste des hommes. Fait que, et son coach, son entraîneur. Puis... Entre autres. Ça, c'est un petit peu louche. Ah, il était ici de coach. Écoute, on le voit célébrer ses buts. Sont là en tabarnak, les chandails. Ouais, les commandites, ces chandails, là. J'ai l'impression que ça s'en vient et j'ai peur. Là, parce que check-moi ça quand c'est dégueulasse, qu'est-ce qu'on voit en ce moment. Là. Ça a l'air qu'à Côte du Monde, ils vont essayer ça avec les chandails des pays. Ah, tabarnak. Ben, ça va venir dans la NHL à un moment donné parce que là, Batman va vouloir faire plus de cash. Là. Ben, c'est sûr et certain. Pas Edmonton, mais la Ligue nationale va accueillir LV parmi leurs équipes l'année prochaine. LV, c'est le nouveau terme que Renaud Lavoie utilise pour Las Vegas. Tu dis Vegas, ça se dit pas LV. LV. En direct de TVA Sport. Esti. Puis là, on voit qu'Edmonton sont super contents d'avoir repêché ce gars-là, mais c'est parce que là, tabarnak, vous avez ben trop d'attaquants, esti. Ça n'a pas de crise de sens. C'est-tu Craig Matavich qui est là encore? Il est pas dehors, lui. Pendant qu'on voit que le draft est commencé par Upper Deck. Oui, Upper Deck, c'est des cartes de hockey qu'on collectionnait quand on était jeune. Ça existe encore, ça aussi, Upper Deck, c'est encore en business. Ça, c'est encore en business, puis ils sont solides, je pense que c'est les seuls qui existent. Faudrait aller voir dans le Beckett, là. Mart, il n'y a pas retrouvé un Beckett, oui, je pense qu'il en a acheté un, il me semble qu'il nous avait envoyé une photo. Ah, faudrait ça. Voir, mais il doit avoir une application, il doit avoir un site web pour le Beckett. Là, ça serait écœurant s'il y aurait une application pour le Beckett. Genre, moi, j'ai des cartes de Beckett chez nous. Ben non, c'est pas vrai, c'est cartes de Upper Deck. Moi, j'ai des cartes, dessus, il y a un livre qui a des prix de cartes. Un livre de Beckett, tu le cover d'Eric Lindros, ce style. Justement, parlons un peu de Souban. Là, il y a eu des rumeurs aujourd'hui qu'il serait échangé, pas échangé. Lafleur a dit des commentaires dans les dernières semaines sur Souban. Ça a commencé avec. Est-ce qu'on commence par les commentaires de Lafleur? Ouais. On va écouter ce que Lafleur va dire. Je vais dire une chose. Si avoir eu un gars de flamboyant comme ça dans notre temps, je pense qu'il aurait eu un coup d'hockey derrière la tête. Il serait fait rasseoir assez vite. C'est-tu de Lafleur? Guy, arrête-moi ça! À quoi ça sert de dire ça? Puis le pire, c'est que c'était même pas une affaire de hockey, c'était juste pour une fondation de quelque chose, puis il était là par acte de présence. Tu commences pas à dire des affaires de main sur Souban. Il était pas flamboyant lui-même, mais Lafleur dans le temps. Ça fumait des clopes dans le vestiaire, puis il a scrappé un char en prenant trop de boissons un soir après une game de hockey, puis il a fait de la une journée à Montréal. T'étais de même, Guy, esti, puis comment qu'il va ton gars, toi, tabarnak? Hein, ton gars, c'est-tu un enfant modèle, esti? Y a-tu un diplôme de quoi que ce soit? Il gagne-tu 9 millions par année? Il a le droit de dire quand même des opinions sur Souban, c'est juste que ça n'avait pas sa place, on dirait. Là, ben, moi, je vois ça comme, mettons, quelqu'un qui travaille... Ah, moi, j'aurais joué, j'irais casser une volée. Que, voyons, là, quand t'es dans Guy. Ben, tu sais, tu vas pas commencer à bâcher, mettons, un gars du Canadien quand que lui, il est supposé de représenter le Canadien. C'est comme, mettons, tu travailles pour... Il n'est pas ambassadeur du Canadien, là, Lafleur. Oui, mais c'est pareil. Quand que, c'est quand mettons, même une tu légende, vois, là, mais c'est... Mais quand tu le vois, Lafleur, tu l'associes automatiquement au Canadien de Montréal. Fait que techniquement, c'est comme s'il serait ambassadeur à vie. Genre. Ouais. Tu sais, quand ils vont être enterrés, c'est sûr qu'on va le voir... mettons, quand ils vont mourir à TV, ils vont mettre une photo ils vont mourir à TV. Non, mais je veux dire, quand ils vont présenter ça à TV, ils vont mettre une photo de Guy avec un chandail du Canadien. Ils vont pas mettre Guy Lafleur avec un T-shirt, genre. Tu sais, c'est Guy Lafleur, ça va dans la même phrase que Canadien de Montréal. Puis il me semble que vu que tu as fait partie de l'organisation puis tu es comme un modèle pour le peuple, tu commences pas à bâcher le club actuel de même en parlant mal d'un gars. C'est un manque de classe solide. Puis écoute, c'est comme si, mettons, moi je travaille chez Provigo puis je commence à dire que les légumes goûtent la marde. Tu sais, ça se fait pas. Tu peux perdre ta job aux affaires de même. Lafleur devrait se garder une petite gêne. Fait qu'à un moment donné, regarde-toi dans le miroir, esti, avant de commencer à dire des affaires de même, parce que là, tout le monde a pris pour du cash que tu viens de dire, puis ça va dégénérer, esti. C'est sûr, ça va dégénérer. Mais le Canadien, serais-tu mieux sans Subban ou avec Subban? Parce que là, on a des fans qui ont nous autres idées que ce serait la meilleure affaire qui pourrait se produire, c'est que on trade Subban, là. Ben, ça sonne une grave erreur parce que, premièrement, qui c'est qui va puis le tout remplacer? Tout ça part à cause. C'est vraiment niaiseux, là, parce qu'il n'y a aucune raison de parler de ça. Puis c'est juste parce qu'ils ont demandé à Bergevin s'il y avait eu des offres. Puis dis-moi, si le monde m'appelle et me donne une offre, c'est sûr que j'écoute, là. C'est normal parce que moi, je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu m'offrais pour mon meilleur joueur. Tu me dis, je t'envoie Crosby, Malkin puis Fleury contre Subban. Je vais écouter en maudit, ça se peut, là. Ben oui, Chris. Même si je veux pas le trader. Mais c'est ça, mais c'est sa job d'écouter parce qu'à un moment donné, tu peux avoir un DG épais qui va offrir la. Ils n'ont rien à dire, là. Ben, c'est parce que dans le fond, ça. Là, c'est, les blogueurs, ça sort des nouvelles de merde. T'as Martin Lemay qui se mêle de ça puis qui envoie chier dans les coulisses. Puis... Ouais, c'est ça. Surtout à cause Monsieur que Lemay... l'intimidateur. Le pire dans tout ça, en parlant de Martin Lemay, c'est que Martin Lemay avait placé Pierre-Luc Dubois 3e dans son mock draft. Il s'est fait écœurer par dans les coulisses. Puis il a dit t'es bien épais, pourquoi tu le mets 3e? Voyons donc, ta. Asti, Pierre-Luc Dubois est sorti 3e, tabarnak. Enfin, Martin Lemay, peux-tu. Moi, tantôt, je vais aller vérifier, mais je pense que Lemay mériterait, puis je te donne le droit d'envoyer chier dans les coulisses. Parce qu'il t'a donné de l'amende pour absolument rien. C'est pas mal ce qu'il a fait indirectement sur Twitter. Aujourd'hui, il a dit vous devriez vous partir à un channel de YouTube, fermer votre gueule, dans le fond. C'est pas mal ça qu'il a dit. Ouais, puis ouais, c'était si bon que ça, va appliquer RDS, get a life. Ah, get a life. Voyons, tu donnes de quoi que quelqu'un critique, puis tu prends pas la critique. Là, on voit Jim Binning qui marche comme un clown. Donc, choix numéro 5, c'est... Ben là, je pense que ça va être Pulu Järvi. À moins qu'il y ait un fuck, parce que là, on a un autre joueur qui était parmi le top 5, qui est Matthew Tkachuk, qui est le fils de Keith Tkachuk. Oui, Keith Tkachuk, on a vu tantôt en entrevue à TVA Sports, qui est rendu avec un méchant gros coup. Ouais, c'est fou, il a engraissé, puis pas à peu près. Là. Gros coup, grosse tête... Ça a été tout un joueur, puis son fils, c'est le même style de joueur que lui, un ailier de puissance. Fait que, puis il a brûlé la ligue avec Mitch Marner, qui joue pour Toronto. Alors présentement. Qu'on voit Jim Benning au micro qui s'excuse d'avoir dit durant la nuit qu'il va contacter Piqué Subban. Ça, c'était l'ancien bras droit de Peter Chiarelli à Boston. C'est une belle gang, hein, eux autres. C'est... Toutes des gangs d'Astin Moron, de Calis. Qu'est-ce qui se passe, là? Chris, Dave, ton préféré est parti. OK, bon. Alors, nos amis, collègues... Ça se jase dans le chat room de la soirée du podcast pendant qu'on nous autres, on est en duty. Nous autres, on choke pas sous la pression. Esti, ils ont repêché un défenseur, Oli Djolevi, qui est même pas sous mes notes, esti. Sélectionné au 5e rang. Il a repêché un défenseur au 5e rang. Hey, ça veut dire qu'il commence à avoir des choix intéressants pour le Canadien. On Vancouver, Oli Djolevi. On va aller voir qui est-il, C'est un défenseur, en fait, qui est très bon pour manier la rondelle. Il pourrait être comparé à je sais même pas qui, j'oserais même pas dire de nom présentement. Je sais même pas si c'est un défenseur offensif. C'est un petit finlandais défenseur de 6 pieds 2, 182 livres. Sur Twitter, @OliOlivi. Il a joué pour la Ligue de l'Ontario. Il est pas petit. En tout cas, il a l'air d'avoir une bonne shot, d'après les vidéos qu'on voit à TVA Sports. Écoute, dans tous les mock drafts que j'ai vus, des gars de TSN, Sportnet, c'est dans le fond des gars qui ne fait que de ça, là. Il ne faisait même pas partie du top 10. Top 10, yo! Écoute, dans mes notes, là, les deux défenseurs qui étaient susceptibles de partir très tôt, là, c'est Jacob Chipron, qui est considéré comme Aaron Ekblad des Panthers de la Floride, un autre défenseur offensif qui est canadien, 6 pieds 2, 198 livres, mais un défenseur qui a vraiment du talent. Puis après ça, c'était Mikhail Sergachev, qui est un défenseur russe. Je pense que le monde a un peu à la chaîne parce qu'il est russe, comme à toutes les années, c'est tout la même affaire. Puis je ne savais pas à qui que je pouvais comparer ce gars-là, mais quand je regardais un peu la description puis quel genre de joueur qui était avec des vidéos sur YouTube, je pense que c'est un genre de Markov. Fait que c'est ce que ça donne. Mais là, on a un autre Finlandais qui a été repêché par Vancouver. Je vous rappelle que Jim Binning est un peu nono. Fait qu'il a peut-être fait une grave erreur. Je sais pas c'est quoi les commentaires du monde sur Twitter, mais tout ce que je sais, c'est que sa mère a l'air de venir des années 80. Oui, c'est vrai ça que je m'en allais dire. Puis je pense que son père est en train de saigner du nez en ce moment. ça tient vraiment fortement les narines. Ouais, il dit, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, mon fils, ça va jouer au Canada, calice? C'est ça que son père se dit en ce moment, pense au taux de change. Ouais, c'est ça déjà que l'euro est dans la merde parce que l'Angleterre a décidé de quitter l'euro pour le dollar. Parle pas politique pendant que son père se fouille dans le nez, là. Non, vraiment, c'est juste bizarre. Je regarde sa coupe de cheveux. Ben oui, la mère... Et boy. Alors voilà. C'est genre de ça n'a pas de sens. Puis je pense, il y a eu des pauses à TVA tantôt, là, mais là, on voit que c'est Calgary qui repêche parce qu'il y a du rouge partout. Oui, puis le logo des Flames, c'est marqué Calgary Flames. Fait que oui, Jeff, bonne observation, c'est les Flames qui vont probablement repêcher. Ouais, des équipes canadiennes qui repêchent très tôt cette année. Écoute, là, présentement, t'as Puljujärvi encore, que je pense que je vais commencer à retenir son nom en estime, ce gars-là, qui n'a même pas été repêché encore. Y a-tu été repêché, le tabarnak? Mm-hmm. Oui, il a été repêché, Puljujärvi. Il a été repêché par Edmonton. C'était écrit en bas de l'écran. Suis à la POC. Ouais, je regardais encore le feu dans les estrades. Je pensais qu'il y avait de quoi, mais c'était des hologrammes. Matthew Tkachuk, qui n'est pas repêché encore, qui pourrait être intéressant. Dans les autres choix que j'avais nommés aussi, si je retourne un peu en arrière, il y a juste vraiment ça qui est foqué. C'est le défenseur qui a foqué la petite balance. Après ça, si on va au sixième choix dans mes notes, il y avait un Suédois qui est comparé au frère Sedin, en fait, un gars un peu complet, si tu veux. Là. C'est le fils de Mikael Nylander, qui a joué beaucoup pour les Caps, qui est 6 pieds, 179 livres, un bon petit joueur, dans le fond, là, qui pourrait faire la job, qui est probablement le choix de Edmonton. Edmonton, qui sont déjà quand même pas pires à défense, puis bons à l'attaque aussi. Avoir un autre jeune, moi, je leur permets d'avoir peut-être un peu plus de marge de manœuvre pour faire des transactions parce que ça a l'air qu'ils sont en crise. Ils ont quand même callé Sidor Bob Hartley puis ils n'ont pas fait des playoffs l'année passée. Fait que j'imagine qu'ils veulent faire de quoi. Ça, on n'a pas parlé parce qu'on était en break de podcast, là, mais c'est ridicule. Là. Pourquoi ils ont crissé Bob Hartley dehors? Ben, pour moi, ils cherchaient un bouc émissaire puis c'est le gars qui ont décidé de sacrifier parce que le gars qu'ils ont pogné, je le connais même pas. Il n'a jamais coaché un match à Ligue nationale. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec les Flames, mais j'ai comme l'impression que. Il y a une petite arnaque là-dedans. Ouais, justement, pendant qu'on attend que les Flames fassent leur pick, changement dans le personnel chez le Canadien, Kirk Muller qui s'en vient avec le CH. Oui, Kirk Muller qui était avec les Blues de Saint-Louis. Et puis que finalement, après que les Blues étaient éliminés, il est devenu libre comme l'air parce qu'on ne savait pas ce qui se passait avec Ken Hitchcock. Hitchcock a signé un contrat d'1 an parce qu'il s'est dit qu'il va prendre sa retraite après. Fait que finalement, Muller a tout simplement décidé de crisser son camp. Et puis, Michel Therrien aurait contacté Kirk Muller pour jaser avec. Puis, il a tellement été impressionné par Kirk qu'il a appelé Marc pour lui dire « Assure-toi de le faire le deal! » Puis Marc l'a signé tout de suite après. Kirk Muller qui revient à Montréal, qui était un... Je suis bien content, moi, pour vrai. C'est un bon player's coach. C'est un bon coach. Il va être proche des joueurs parce que je pense que c'est ça qui a manqué à Montréal. Puis c'est drôle parce que dans le fond, si je retourne un peu de leadership, il n'y en avait pas là, en ce moment. T'sais, c'est pas Therrien qui va faire le leadership dans le vestiaire. Non, parce que Therrien, il faut qu'il fasse un peu le méchant aussi dans le vestiaire. T'sais, si maintenant il n'est pas content d'un joueur, il faut qu'il dise. Mais si je retourne en arrière, mettons, dans le temps que Jacques Martin, avant qu'il se fasse mettre dehors, dans le fond, l'année d'avant, Kirk Muller avait décidé de ne pas renouveler son contrat avec le Canadien de Montréal, puis il est parti coacher dans le club école des Hurricanes de la Caroline. Puis Jacques Martin avait décidé d'engager Randy Cunningworth dans ça-là. Fait qu'on connaît tous le désastre qui est arrivé par après. Jacques Martin a perdu sa job. Cunningworth est devenu entraîneur-chef du Canadien. Tout le monde l'haïssait. Fait que on a comme pas fait les playoffs cette année-là non plus. Puis après ça, on a été chercher Therrien. Gérard Gallant y est venu. Fait que là, on avait retrouvé un autre genre de Kirk Muller, un gars qui était proche des joueurs, qui était bien fin et tout ça. On sait qu'avec Gallant, ça a bien été. Je te dirais, pendant les deux premières saisons avec Therrien, on montait. Puis la deuxième saison du Canadien de Montréal, là, après le lockout, là, on a quand même atterri. On s'est rendu en troisième ronde des playoffs. Puis après, Price s'est blessé, puis on a perdu. Mais quand, depuis que Kirk Muller est parti, il y a comme eu un vide de leadership. Je pense que là, présentement, là, on va revoir ce leadership-là. Fait qu'il va y avoir un juste pont entre les joueurs et les entraîneurs. C'est quoi son poste officiel? Il n'est pas assistant coach. Il est coach adjoint, je pense. Il est coach adjoint. Puis Terrien, il a dit que la raison qu'ils ont fait ça, c'est pour par respect. Fait que techniquement, il est payé plus cher que les autres assistants coach. Alors qu'on apprend que les Flames ont repêché Matthew Tkachuk. Ah ben, tu vois, à date, la logique se maintient. Il y a juste Oli Giulio-Gervi qui est comme pas là pantoute. Ce qui est disponible encore d'excellents joueurs au 9e choix. J'ai comme peur qu'on repêche un défenseur parce que ça s'enligne pour ça, on dirait. Ouais, mais tu connais bien notre ami Marc Bergevin et ses défenseurs, là, tout le temps prêts à prendre un défenseur. On sait qu'il y a de l'intérêt pour Cam Fowler qui a juste 24 ans. C'est un défenseur gaucher. Fait que si, mettons, il n'est pas capable de pogner Fowler, il va-tu pogner un défenseur ou ça fait toute partie du plan qu'il y a dans la tête? Moi, je pense que ça dépend de ce que Marc a rêvé hier. Hier, je me suis couché puis j'ai eu un rêve. Et changer l'heure, ça pour Andrew Shaw. C'est un beau rêve, ça. J'en veux d'autres, des comme ça. Là. Ben, mettons que tantôt, là, on parlait qu'on a besoin d'améliorer notre attaque. Là, au centre, à part Galchenyuk, trouves-tu qu'on n'est pas pire au centre offensif? Je pense, non. Mais non. Le problème offensif du Canadien est encore vraiment présent. Là, fait qu'on pourrait repêcher un joueur de centre, peut-être, qui pourrait. J'aimerais ça, repêcher un joueur de centre qui pourrait percer éventuellement, oui, qui pourrait devenir un top. Dans les deux premières lignes, mettons un centre. Là. Il y en a un que ça a l'air que Bergevin verrait dans sa soupe. D'accord. Logan Brown, écoute, ce gars-là, c'est un monstre. 6 pieds 6, 220 livres à 18 ans. C'est un genre de Joe Thornton. Il est extrêmement talentueux. Puis pour un gros bonhomme, il sait patiner. Moi, je le vois un peu comme un genre de Mike McCarron, mais en plus offensif. Qui pourrait être un candidat au 9e, pour le 9e choix du Canadien, un joueur de centre comme Logan Brown, peut-être Nylander, mais Nylander, je crois que comme Suédois, déjà que c'est un Suédois, ça ne m'excite pas trop. Ouais. C'est un ailier, c'est pas un joueur de centre. Fait que si le Canadien a besoin d'un joueur de centre, il y aurait peut-être Logan Brown qui pourrait être pris, ou sinon dans mes notes, aussi dans mon top 10, j'avais Tyson Joss, que tout le monde est bandé raide là-dessus présentement. La seule affaire de Tyson, c'est qu'il est 5 pieds 11, il est petit. Mais il est comparé à Jotun Taze, comme dirait Alain Chéné à TVA Sport. Le gars, il est juste incroyable. Là. Tu verrais s'il y a à l'aide sur YouTube. Là, il a un talent qui sort par les oreilles. Je pense parler d'Alain Chéné à TVA Sport, qui est incroyable. Non, Alain Chéné. Jotun Taze. Danton Taze. Alain Chéné, c'est un vrai Québécois. Avec sa bague, la coupe Stanley des Ducks. Il s'est pas fait crisser dehors, lui, puis il s'est ramassé à TVA Sport. Et oui, comme tous les gens de TVA Sport, c'est tous du monde recyclé. Sauf Louis-Jean. Louis-Jean qui est trop bronzé. Puis, lui, ça n'a juste pas de sens. Là. Il fait des pauses tout le temps à la Zoolander en survirant à la caméra. Puis... Ouais, c'est ça. Quand quelqu'un il parle, il écoute même pas, puis il fait des pauses à l'écran. C'est comme trop ridicule, Louis-Jean. Il est comme toasté. Là. C'est, ton auditoire, c'est des hommes. C'est pas des matantes. On s'en calisse de tes lèvres. Il se met du listi de gloss, tabarnak. Fait que Tyson Joss qui pourrait être peut-être dans les attaquants disponibles intéressants, j'en ai nommé trois. Logan Brown, c'est quoi son prénom? Alexander Nylander et puis Logan Brown qui pourrait être les attaquants qui, en tout cas à date qui sont les mieux cotés que le Canadien pourrait repêcher. Si c'est un défenseur, j'ai bien peur que ça serait peut-être que le call-out finger ça fasse sentir sa présence probablement, mais l'affaire dans le fond GF que je peux te poser comme question là, Aaron Ekblad. Comment tu le trouves, ce gars-là? Tu trouves-tu bon? Ben oui, mais c'est ça, oui. Fait qu'imagine qu'on repêche un bon défenseur vraiment bon qui pourrait remplacer Markov. Tu serais-tu fonché ou tu serais-tu content? Ben, Markov tire à sa fin, fait que... 38 ans, hein, cette année. Ouais. Ekblad, quel âge? Ekblad... Mais Ekblad, dans le fond, c'est parce que je te compare Jacob Chychrun. C'est sûr qu'il faut remplacer Markov bientôt. Ils ont-tu renouvelé son contrat ou ils parlaient de il reste un an, puis Markov souhaiterait signer un autre contrat de 3 ans avec le Canadien de Montréal. Il va avoir 41 ans, tabarnak. C'est beaucoup compte tenu de ce qu'on a vu cette année, sa lenteur. Moi, cette année, je vais dire Marc. Tu sais, comme dans l'an 50, là, quand Jacques Mercier est allé voir pas Bob, là, comment il s'appelle dans tabarnak? L'autre, là, Marc Messier, il joue un rôle là-dedans. Là. Marc Gagnon, il a dit « Cette année, t'accroches tes patins. » Tu sais, il a carrément dit « Prends ta retraite ». Ça, c'était un petit peu un petit clin d'œil sur Jacques Lemaire qui a dit à la fleur « Accroche tes patins, tu sais plus jouer au hockey ». je pense que Markov, il est temps qu'il accroche ses petits patins parce que Markov, honnêtement, là, moi, je le verrais sa troisième paire. Si je vais aménager son énergie puis je vais le faire jouer sur le power play. Ouais, tu peux faire ça, mais pas pour 3 ans. Là. Il va demander trop cher. Non, mais juste cette année, après ça, arrête. Là, c'est ça, tu as un contrat de transition pour l'année vers la retraite. Tu peux bien qu'il finisse à Montréal, c'est correct. Là. Moi, je donnerais la fin de carrière à Montréal, mais pas 3 ans. Puis pas 3 ans dans le top 4 des défenseurs. Non. Mais par contre, mettons Markov, éventuellement on va le perdre. Là, ça veut dire que Subban, il n'y a plus de partner. Là, fait que ça y prend un partner. Marc Bergevin, il faut qu'il se trouve un gars qui va jouer avec Piqué Subban pour encore plusieurs années. Ouais. Cam Fowler pourrait-tu être le candidat? Ou sinon, pourrais-tu avoir Jacob Chychrun? Je te parlais d'Aaron Ekblad parce que ce gars-là est comparé à Aaron Ekblad. Là, le jeune qui va monter, si tu pognes un gars comme ton Jacob, là, que tu dis, là, ouais. Ça prend quelqu'un qui va le coacher. Qui veut... Est-ce que Subban va pouvoir prendre la genre de job de grand frère à ce gars-là? Ça va prendre. Faut que tu aies un genre de mentor un peu pour les jeunes. Là, il pourrait le faire, Subban, d'une manière peut-être différente des autres, me semble. Ouais. Il est assez mature, puis il me semble que tu veux le considérer comme ton petit frère. Puis Subban, c'est le genre de gars que, tu sais, s'il a chance de jouer sur une paire à défense, puis être une star avec un autre star, je pense qu'il capoterait, tu sais. Ouais, je pense que Subban, il est prêt à faire ça vraiment, là. À coacher un jeune, puis l'amener dans son aile, je pense qu'il est rendu là dans sa carrière. Fait que. Ça pourrait être le cas, oui. Sinon, l'autre défenseur, c'est un Russe. On va-tu prendre un Russe pour remplacer un autre Russe? À suivre, le Mikhail Cherkachiov, il est 6 pieds 2, 220 livres. C'est un esti gros défenseur russe. Fait que, moi, ça m'excite pas de repêcher un défenseur russe en première Alors round, que les Coyotes de Phoenix, maintenant, s'amènent sur le stage du draft 2016. Eux, ils ont un nouveau DG, il a 26 ans présentement. C'est lui le grand boss. Puis il a carrément dit cette année que Tenordi, Christian Thomas, et puis je sais pas s'il y a un autre joueur ancien du Canadien qui joue là, Carl Chiptura. Et ne sont pas de retour avec cette Donc, c'est le choix numéro 7 qui s'en vient. Qui va repêcher eux autres. Écoute, ils viennent de signer Alex Goligoski, un défenseur. Ils ont Olivier Egman de l'Armen aussi, sa première ronde. Ça, c'est le kid, ça. C'est lui le boss. Yeah, c'est rare de voir ça. Il est jeune. Il est très jeune encore. Il n'y a pas de barbe. Il n'a pas passé la puberté. Tu sais, dans le fond, qu'est-ce que ça prend pour être directeur général? Ça prend de l'expérience dans le national. Lui, il n'y en a aucun contact dans la ligue, là. Aucun, là, c'est pas le gars qui va appeler, je sais pas, moi, le gars de Boston, il dit hey, on fait-tu un deal? Non, sauf qu'à un moment donné, faut ça se bâtit des contacts aussi, là, j'imagine. Là. Ben lui, il faut qu'il commence là. Ça me surprendrait qu'il y ait eu des contacts avant. Bon, là, il a repêché un gars, c'est qui lui? Ils ont repêché Clayton Keller. Oh, Clayton Keller qui est pas encore sur mon top 10, mais qui était un joueur quand même assez intéressant, qui était très bien coté. Clayton Keller, qui est un gars de 17 ans en date du 24 juin, qui vient de l'Illinois. Fait que c'est sa fête aujourd'hui? Oui. Non, en date du 24, il y a 17. D'après moi, il vient d'avoir 18 là parce que tu peux pas être repêché si t'es en bas de 18. Ah, OK. Fait que sa fête, c'est là. C'est juste que ton 7 n'est pas à jour. Ben, peut-être, là. Ben, même si c'est marqué en âge on June 24th, mais en tout cas, ça, ce serait Sportsnet qui me donnerait des infos de marbre. Mais c'est un centre qui tire de la gauche 5 pieds 10, 160 livres. Puis je pense que... At Clayton Keller 37 sur Twitter, si vous voulez le suivre, le petit Clayton. C'est un Américain. Oui, c'est un Américain. Oui, j'ai dit, il vient de l'Illinois, de Swansea. Il n'est pas grand à 5 pieds 10, on s'en dit, mais non, c'est un petit joueur, les Coyotes, ils ont carrément peut-être pas de joueur de centre talentueux, fait que lui, pourras-tu en être un? Un bon prospect pour eux autres, peut-être. Là. Qui va jouer avec Max Domi et Anthony Duclair. Oh, peut-être bien, mon GF. Les Coyotes qui ont quand même des bons prospects, alors ça serait à suivre. Bravo aux Coyotes, bravo aux jeunes DG, puis le kid qui a l'air quand même d'être plus vieux que le DG. C'est vraiment bizarre. Le kid de 17 ans qui est plus vieux que le DG. Beaucoup de roses hein, aujourd'hui chez les c'est jeunes la mode 2016. Écoute, on mixe le mauve, le fuchsia et les loafers noirs s'en bas. On voit que la mère de Clayton Kershaw... Sa mère qui a 28 ans, hein, qu'on le précise, là. Il a 28 ans? Non, sa mère a l'air d'avoir 28 ans. Ah, OK. Ouais, c'est vrai, dans le fond, sa mère l'a eu jeune. C'est, ouais, c'est ça. Ça vivait à la même place que Sarah Palin. Mais c'est assez. Ouais, c'est agréable de voir un jeune s'en aller en Arizona. Je sais pas s'il va être fier de ça, mais au moins, il n'y aura pas fret. Oh non. Il n'y aura pas de fans non plus dans la foule. Non. Puis les Coyotes ont aussi changé de chandail. Je pense qu'ils ont décidé de peinturer leurs manches noires. Ben oui, on voit ça en ce moment. Vite de même, là, quand t'as regardé ça, on dirait que c'est le chandail des Sénateurs. Genre. Ouais, j'ai eu un petit rappel. C'est comme mêlant un peu. Là. On dirait que les chiffres sont pareils en arrière en plus. C'est vrai. Alors, le prochain team à repêcher après ça sera les Sabres de Buffalo et ensuite le Canadien de Montréal. Alors, le choix du Canadien s'en vient, mon GF. Et il est temps que ça arrive parce que ma bière achève et puis je vais être dû pour un refill, mais on va attendre que le neuvième choix se fasse avant de faire notre entraque. Je suis d'accord avec ça. Je suis un petit peu nerveux, excité. Il y a de la fébrilité ici dans le studio, dans ton sous-sol. Là. Oh, là, il y a une annonce. Bon, ben, on va pas. Fuck Clayton Keller, c'est. Première pause de tout le show, Clayton Keller. Non, lui, on le coupe de la merde. Fait que, Jeff, qu'est-ce qui se passe de bon sur le Twitter pendant ce temps-là? Je vais aller m'approcher sur une timeline qui est peut-être plus proche, voir si les gens sont très énervés et excités du deal. Puis j'en profite pour remercier Hockeyman dans le chatroom qui me feed d'informations 3 minutes avant tout le monde sur ce que nous autres on voit en ce moment. Dans le fond, j'aurais une question pour notre personne sur le chatroom. Oui. Hockeyman qui s'appelle? Oui. T'es-tu content du deal d'Andrew Shaw? Ouais, qu'est-ce que t'en penses, toi, de Andrew Shaw, Hockeyman? Est-ce que c'est un bon move pour le Canadien? Ou c'est un long shot à la Zach Cajun? Ben là, y a pas, c'est pas parce qu'il a dit des propos racistes qu'il va péter un char dans un arbre, j'espère, sacrément. Là. Ben, je veux dire, dans le fond, au prix à payer, parce qu'on a quand même donné nos 2 choix de deuxième ronde pour ce gars-là. Ben, Marc devait voir de quoi d'important en lui, là. OK, j'ai quelqu'un qui nous a tweeté que le pic du Canadien arrive. Ça en vient. On est excité au bout. On a bien hâte d'entendre ça, nous autres. C'est très, très direct, tout ça. On est live. Je vois des affaires de SpongeBob présentement. on voit qu'Andrew Shaw a l'air d'un gars qui... Il a l'air cocky un peu, hein, quand t'as gratis. C'est parfait pour Boston, ça. On va voir. Il est jeune tantôt. Tu m'as dit qu'il avait 24 ans? Oui, 24 ans, si je me rappelle bien de mes stats tantôt. Parfait pour jouer contre Boston, effectivement. Ça en prend un. Il y a eu des rumeurs que peut-être... Ben, des rumeurs. On parlait que peut-être Lucic pourrait signer à Montréal, tu sais. Mais c'était vraiment... Et Chris, si Lucic signe à Montréal, puis on a Andrew Shaw, on va être un des clubs les plus robustes de l'Est. C'est même pas une rumeur. C'est juste qu'on parlait de ça parce qu'on a lu qu'il allait... je pense qu'il est agent libre, là, cet été. Lucic est agent libre. Il a compté 20 buts quand même avec... comment qu'on appelle ça... Excusez-moi. Les Kings de Los Angeles. Comment qu'on appelle ça? Les Kings? Les Kings. Là, je vais avoir, là, je suis curieux de voir parce que j'ai des gens qui me disent que Andrew Shaw est un joueur de centre. Je serais extrêmement surpris qu'on a été chercher un autre joueur de centre. Ouais, puis si vous nous écoutez en direct aussi, vous pouvez nous tweeter sur at soirée du podcast. Ouais, moi, je vais faire une vérification parce que j'ai des doutes qu'il joue au centre dans ma tête, Chicago. Ah, mais t'as l'air de te faire tweeter par tout le monde qu'il joue au centre. Là, les... Ben, c'est ça que je regarde présentement. Écoute, si je me fie à l'alignement de l'année passée, les tabarnak ont déjà fait une mise à jour. Fait que Andrew Shaw ne fait plus partie de l'alignement des Blackhawks. Calisse! Je veux savoir, ils jouaient où? Ils ont encore Andrew Ladd pourtant. Écoute, d'après ce que je peux voir, Andrew Shaw jouait probablement sa deuxième ligne à l'aile droite. Ben, écoute, c'est peut-être de la marde, là. Mais, peut-être que c'est de la marde. Parce que là, dans le fond, t'avais Jonathan Toews, Anthem Anisima, puis Marcus Kruger qui jouaient ses 3 premières lignes au centre. D'après ce que je vois comme information sur... Moi, je me fie beaucoup à Daily Face-Off. Je vous suggère fortement, quand vous faites des pôles de hockey, d'aller sur ce site-là pour savoir dans quel trio joue le joueur que vous voulez repêcher. Fait que c'est assez à jour, là, de la journée près avant le match. D'ailleurs, Jeff, tu parles de pôles. On va probablement faire un épisode quand les revues pour les pôleurs vont sortir. Ouais, moi... On va faire un épisode où on va donner nos suggestions pour les pôleurs... Moi, je suis un très grand mordu de poule de hockey, puis je pense qu'on va tout avoir du fun avec ça pour voir un peu quel joueur à surveiller. On sera peut-être un petit poule à l'interne en plus du poule de marqueur.com qu'on va faire avec les fans. On s'en fera un à l'interne qu'on enregistrera comme un épisode peut-être. Là. Ça peut être intéressant. On pourrait s'insulter entre nous. Genre. Ah, mais ça, c'est... On pourrait mettre quelque chose en jeu. Genre. C'est toujours une partie de plaisir de s'insulter entre nous. Là. Ah ouais. On fera genre un grand prix entre nous autres. Genre le gars qui finit dernier paye la bière une soirée. Ben, c'est la taxe. Là, ouais. La taxe du perdant. La taxe du perdant, puis le gagnant gagne. Va gagner une. Alors, on voit les Sabres de Buffalo se diriger vers le stage. Ils passent à côté de la table des Jets de Winnipeg. Je pense qu'eux autres vont prendre une passe Get Away from Jail for Free de Monopoly pour donner une chance à Evander Kane de s'expliquer de qu'est-ce qui s'est passé. Là, on voit que vraiment les fans. Il y a du monde qui me tweet, qui dit qu'il n'a jamais fait 55 points en carrière, ce jeune Andrew Shaw. Je vais juste vous rappeler qu'Andrew Shaw est extrêmement jeune. Fait qu'à un moment donné, il ne faut pas s'énerver avec ça. Alors, le gars, il va probablement... Tu sais, s'il a 22 ans et il n'a jamais fait 55 points dans sa carrière, là, c'est pas dramatique. Là. Galchenyuk n'a jamais fait 60 points non plus. Non, à un moment donné, il faut pas en demander trop non plus. Là. Tu peux pas t'attendre à avoir des gars de 90 points à chaque fois. Puis à Chicago, les 3 trios étaient super bien balancés. Fait que c'est sûr et certain que les points vont être séparés en gang. Là. Tu vas avoir Toews et Kane qui sont sûrs de faire leur gros nombre de points. Alors que les Sabres repêchent Alexandre Nylander. Alexander Nylander. Lui, il est blond longtemps, hein? Cheveux longs, puis ouais, tout. Ça, c'est sa blonde, en fait, ça, c'est pas lui. Ça, c'est sa blonde? Ou sa mère. Peut-être sa cousine. Ils ont tous l'air d'avoir le même âge, les Islanders. Ben, en fait, ils ont tous l'air d'être dans la même famille. Ça a l'air d'une genre de grosse ligne de consanguin, tout le monde ensemble. Lui, ils sont tous contents. Lui, il a l'air moyen content, par exemple, de se faire repêcher comme « Ah, oh, fuck ». Ah, Buffalo. Dans le fond, c'est parce qu'il est déjà à Buffalo. Il est comme pogné là. Mais non, c'est bien correct. Écoute, Buffalo, pour moi, ils n'ont pas d'identité encore, mais je pense qu'ils sont dans la bonne direction. Ils ont été chercher quand même VC contre un choix de troisième ronde pour... il est tellement un joueur universitaire aux États-Unis présentement. Je me souviens plus c'est quoi son prénom, mais je sais que son nom de famille, c'est VC, puis VC veut jouer avec Jack Eichel. Mais là, tu te fais tweeter JF qu'il a pas fait même pas 55 points dans le mineur. On s'en calisse-tu de ses points à chat, là? Pour ce que ça a coûté, on va voir. Des mineurs, ça veut rien dire. Ça veut dire fuck all, premièrement, des points des mineurs, selon moi. Le gars, il a juste 24 ans. OK, c'est ça, il est 5 pieds 11, 179 livres, puis il a l'air d'avoir... je pense que c'est un joueur qui a des couilles, là. Mais écoute... On va commencer par le voir jouer une coupe de game, on a le jugé, là, de toute façon. Puis, de toute façon, il coûte moins cher que Lars Eller, puis j'aimerais bien mieux avoir un gars qui est tagué ailier droit. Regarde, à fond, NHL.com, tagué ailier droit. C'est un gars de l'Ontario, esti. J'aime bien mieux avoir un gars de même qu'une Danoise, esti, qui est nominée aux Oscars, là. On s'entend là-dessus. Mais on voit une belle photo de brochette de Buffalo qui... je dois t'avouer que j'ai jamais haï leur chandail de Buffalo. Ah. Non, tu les as jamais aimés? Sauf la banane, là, mais j'ai toujours aimé le bleu et le jaune. J'avais moi-même d'ailleurs acheté un chandail des Sabres de Buffalo à l'époque quand je travaillais chez Sport Expert, que je portais quand je jouais au hockey à l'extérieur pour pas salir mon chandail du Canadien. Alors là, JF, fébrilité et excitation parce que c'est le Canadien qui va s'amener. Ils ont l'air de savoir c'est quoi leur choix, là, hein? Ils sont quasiment de bout. C'est qui est debout en arrière avec le chandail? C'est le fils de Timmins? Je pense que c'est le fils de Timmins. Il a la même grosse face avec pas de pinch. Ouais, faudrait que quelqu'un dise. Trouves-tu que Trevor Timmins ressemble à Louis-José Hood qui se serait fait piquer par une abeille? Il me semblait qu'il trouverait qu'elle a l'air de quoi? Il est comme un genre de Louis-José Hood avec une grosse face enflée, comme s'il y avait une réaction allergique, quelque chose. Ouais, c'est ça, on voit pas ses cheveux longs. Là, je vais fermer mon iPad parce que je veux juste... Brian Elliott a été échangé aux Blues de Saint-Louis en retour de leur choix de deuxième ronde de cette année. Fait que les Flames... qui cherchait un goaler, ont été chercher Brian Elliott. Donc, Saint-Louis vont donner le filet à Jake Allen pour la saison, qui devient leur gardien but numéro 1. Les équipes qui n'ont pas de goaler semblent faire des moves pour boucher le trou. On se rappelle que Toronto a cherché Frederik Andersen pour un choix de première ronde l'année prochaine. Et puis, ils l'ont signé pour 5 millions par année. Fait que là, on se fait tweeter là, les affaires sur Shaw avec des statistiques, là, mais... Regarde, là, ce qui m'importe en ce moment. Là, c'est Canadien repêche. Andrew Shaw, t'as cherché, c'est Mark Lars Eller. Point final. Est-ce que lâché le morceau de tabarnak? On a un repêchage à suivre, là. Ça boit de l'eau, est-ce que c'est la table du Canadien? Puis je sais pas pourquoi ils sont pas de bout, là. Qu'est-ce qu'ils attendent, est-ce que. Ben, 2 minutes 10 avant que le Canadien fasse son choix. Donc, OK, ils n'ont pas le droit de se lever. Parce qu'il faut laisser le stage se libérer. Mais oui, mais là, j'ai fermé mon iPad parce que je veux pas avoir de spoiler nulle part. Je veux le voir en direct. Ah, on oui, va le vivre, vrai. Le GF. Ça va être fou. Là, je suis sûr que le monde à la maison qui nous écoute ont déjà vu le choix du Canadien parce qu'on est en retard de 2-3 minutes, ça a l'air avec les autres. Là. Mais bon. Je sais pourquoi on serait peut-être en retard. J'ai peut-être oublié de fast-forwarder TVA Sport tantôt. Ah, tantôt, on a reculé pour écouter de quoi. Puis on était comme surpris qu'Aston Matthews parle espagnol, fait qu'on l'a reculé. excusez. Tu pourrais essayer de le remettre live si tu veux, mais. J'ai pas la bonne manette à côté de moi. On va le voir dans quelques secondes. On voit Michel Therrien présentement avec son gros nez. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? Marc a l'air d'un gars bien content. Timmins, il a l'air... Alors, il y a une casquette et un chandail qui sont prêts alors qu'on voit qu'il reste 1 minute 20 avant le choix de repêchage du Canadien qui s'en vient. Dans le fond, l'enfant qui est là, c'est comme un petit peu le... Mais c'est marqué Timmins dans le dos, fait que c'est l'enfant Timmins. Ah, OK, c'est le fils à Timmins. Lui, sa job, c'est de donner le chandail au joueur qui va être repêché. Ouais, lui, il est comme là, comme tu sais le petit enfant qui amène les alliances dans les mariages, là. C'est exactement ça que j'avais dans la tête. Genre, c'est le petit anneau dans le petit coussin, là. Ouais, ouais, c'est lui qui fait ça d'habitude. Là. Tu vois qu'il y a une chemise attachée jusqu'à vraiment serrée que son gros coup de poulet. Mais là. Le gars qui est vraiment l'air d'avoir des astites grosses. C'est qui lui, tabarnak? Je sais pas. C'est un gars que je travaille du Canada. Là, TVA Sports sont après mettre en gros plan un fan dans les estrades à Buffalo qui se gratte la barbe, esti, qui a 3 poils dans la face. Tantôt, t'as posé la question pourquoi que TVA Sports montrait les fans dans les estrades, là. Ouais. C'est YouTube. Alors, l'état-major du Canadien se lève et se dirige maintenant vers... Il y a même quelqu'un qui a tiré après leur chaise. Ben, le gars avec le micro qui est comme, « Hey, dépêchez-vous, bâtard, là. » Le Marc regarde tout le monde de façon arrogante, fouille dans ses poches, cherche les clés. Se dirige vers le stage avec le, ben, le porteur qui tousse à sa manche du Canadien. Pogne sa ceinture. Il a les mains bronzées, Marc, hein, comparé à la face. Ouais. Il a avoir mis du spray tan sur ses mains. Avec ses belles lunettes. On voit que Marc s'est rasé ce matin. Marc a délaissé le rasage tout l'hiver pour faire peur aux journalistes. Et alors, c'est fait. Marc monte les escaliers, serre la main à Gary Bettman et est sur le stage du draft 2016. C'est là qu'on va être en crise ou qu'on va être bien content ou qu'on ne comprendra rien de ce qui va se passer. Vite, demain, GF, t'as-tu une prédiction? Moi, j'ai comme l'impression qu'on va repêcher Tyson Jost. J'ai aucune idée pour vrai en ce moment de qui ça pourrait être, là. T'as pas le petit Brown, il était-tu repêché, tu disais? Logan Brown, il n'est pas repêché. Marc, il va sûrement féliciter les Penguins de Pittsburgh pour une troisième fois. Il l'a fait à 91-9, mais aucun fan des Penguins de Pittsburgh. Il a fait un genre de demi-sourire. Il a sûrement fait une blague. J'étais sous hier. Quand je me cachais dans un sac de joueurs pour faire boue, là, ça puait un petit peu dans le sac. Là, Trevor Timmons s'en vient. Il va sûrement parler en français et en anglais. Alors qu'il se cache dans le fond, c'est comme Louis-José Hood 20 ans plus tard. Genre, est-ce qu'ils ont dit le nom? Ben sûrement, là. C'est qui lui? Alors c'est... Je vais refresher mon application. C'est qui lui, Collis? Ah non! Un défenseur russe, asti! Le gars que je voulais pas, justement! Alors, on vient de repêcher Mikhaël. C'était quoi son nom de famille? Ça a passé trop vite. Sergachev. Alors, Hockeyman dans le chat room nous dit que Mikhaël Sergachev est un autre def tabard 3 petits points à l'infini. Russe! Faut rajouter qu'il est russe! 6 pieds 2, 221 livres. Il a joué dans la Ligue de l'Ontario, là, mais. Aïe. Qu'est-ce qu'ils font, Calis? Là, mon téléphone, je pense, il tient aussi. Là. Tout le monde devient fou. Là. C'est mon Dieu. Juste pour finir avec Andrew Shaw, il y a Hockeyman qui répond à notre question de tantôt qui nous dit que Shaw va sûrement apporter plus de vie dans l'alignement que Lars Eller, c'est sûr. Mais Bergevin disait qu'il allait faire un trade, qu'il allait changer le visage de l'équipe. C'est-tu ça le trade? J'espère que non, parce que Lars Eller, c'est pas le visage de l'équipe. Là. À moins qu'il serve de lui pour faire un autre trade après ça. Mais bon, on vient de repêcher un défenseur russe. C'est quoi? C'est parce que dans le fond, Chris, notre top 6, il est à chier encore. Là, puis on a... Ça vient pas d'aider vraiment l'équipe en ce moment. Mais quoi que, dans le fond, regarde, on va dire les vraies choses. On a-tu vraiment de la profondeur? On a-tu des jeunes qui sont prêts pour faire l'alignement à défense présentement à Montréal? On n'a pas gros. Pas vraiment. On n'a pas de remplaçants, comme tu disais tantôt, qui s'en viennent pour Markov. Est-ce que c'est ça qu'il voit en lui, un autre gars, un gars qui peut remplacer Markov? Lui, c'est quoi sa position? Il peut-tu être pairé avec Subban, tu penses? Je pense qu'il... Attends, j'allais essayer de voir c'est quoi, parce que je sais qu'on est très fort. C'est un défenseur gaucher. Fait que c'est, ben là, je vois mal Subban coacher un défenseur russe pour commencer. Là. Ouais. Pas pareil. Mais de toute façon, le fait que Subban coach un jeune, c'était une supposition qu'on donnait tantôt, dépendamment de ce qui se passerait. Là, c'est de voir s'il va coacher un défenseur. Si on va chercher comme faux, je pense que ça va comme peut-être... me donner un peu plus de joie au visage. Là, j'imagine que tu vas des cartes à faire, mais veux-tu décanter tout ça avant de faire un call-out? Parce qu'on fait une pause, on rafraîchit notre bière. J'aimerais bien ça de gérer un peu ce qui se passe présentement, puis on va vous revenir dans quelques instants. Fait qu'on fait une petite pause, nous autres, on va mettre la télévision à jour pour être en même temps que le live pour vrai. Là, j'y ai pensé tantôt, en plus, on est vraiment à cave. Fait qu'on fait une petite pause, puis on va revenir pour le reste du repêchage. Bon, alors, on est de retour, GF, pour la deuxième partie du podcast. Et puis, on a changé de bière, là. Ouais, là, c'est quoi cette sorte-là? C'est une Flacatoun, une bière de microbrasserie Charlevoix. Encore une fois, une bière qui est juste exclusive à Baie-Saint-Paul, leur succursale. Une bonne bière à 7% pour digérer le choix du Canadien. Qui devrait être pas si pire là, après le recul puis avoir digéré tout ça. Là, ouais, qui risque de remplacer Markov, un prospect, un bon défenseur, ça a l'air. Défenseur vedette. Les gens sur Twitter ont l'air bien contents, en tout cas, en ce moment. Ben, c'est ça. Dans le fond, même j'ai vu qu'il était comparé à Ryan McDonough présentement. C'est pas le genre de défenseur qui va pouvoir aider le club tout de suite. Mais c'est un beau petit projet qui pourrait être probablement après, d'ici la retraite à Markov, mettons un an ou plus, s'il signe avec nous autres encore. Il est gros, il est offensif. C'était le deuxième meilleur défenseur coté dans ce repêchage-là. On avait quand même un choix dans le top 10. Fait que Markov pourra le coacher d'ici la retraite, probablement. Puis ouais, dans le fond, ça va être un beau petit projet. Faut être content, faut faire confiance aux Canadiens. Ah ouais, l'attaque s'est toujours pas améliorée, mais on a un jeune prospect défenseur. Mais là, ça peut être dit que. Ben, l'attaque s'est améliorée un peu. Là. On a Andrew Shaw. Bon, Andrew Shaw s'est débarrassé de Lars Eller. Fait que, tu sais, oui. Là, Andrew Shaw qui était comparé comme style de joueur à Brandon Gallagher par Marc Bergevin lui-même. Fait que c'est un tough qui aime se salir le nez, qui va se crisser devant le net. Bon, ça nous prend ça, c'est bon. Puis il joue à droite, puis on était petit à droite. Fait que on s'est amélioré aussi à l'attaque un peu. Peut-être pas comme on l'aurait souhaité, mais encore là, le marché des joueurs autonomes commence la semaine prochaine. Fait qu'il y a encore du temps. Ouais, donc c'est pour ça qu'on se prend une petite ouais. 7%, mon Jeff. Goûte à ça, Flacatoun. Moi, je vous la recommande. C'est une excellente bière. Aussi boire, ça paraît pas que c'est 7%, ça? Non, c'est très doux. C'est vraiment très bon. C'est traite. Ouais, c'est traite. Puis c'est des grosses bouteilles là-bas, eux autres. Là. Fait que t'en prends trois, tu commences à peut-être être un peu humoristique. Ah oui, c'est sûr que tout est drôle. Là. Fait que pendant qu'on était en pause, l'Avalanche t'a cherché Tyson Jost. Ouais, Tyson Jost qui était gros bonhomme. Ça a l'air très talentueux. Ben, il est pas gros, il est 5 pieds 11, mais il était extrêmement talentueux offensivement. Fait que on sait déjà que l'Avalanche a des attaquants extrêmement talentueux aussi. Fait que c'est un bon pick, un excellent pick même, je crois. Ensuite, les Sénateurs qui ont repêché en 12e, qui ont acquis le choix de 11e ronde, de 11e pick dans le fond des Devils, ont repêché Logan Brown. Sénateur. Ouais, là, le gars de 6 pieds 6, on va l'avoir On va avoir Logan Brown d'en face souvent. Et puis là, on voit les Sénateurs qui viennent de repêcher. Les Devils. Les Devils viennent de repêcher. Le nom est passé trop vite. Je l'ai manqué. Non, mais le gars, je crois qu'il a besoin de crème au front, là, par exemple. Parce qu'il me semble que. C'est-tu des graines de beauté, ça? Je pense que dans les termes techniques, on appelle ça de l'acné. Ah, sa mère, elle pleure, puis elle disait, j'ai oublié de le maquiller. Bon, maquillage cool. Là, il enlève son jacket pour aller mettre le jersey. C'est Michael McLeod, son nom. Ouais, McLeod, Peter. Non. Ben, j'en ai aucune idée, c'est qui. Ça faisait un peu partie de mes choix de joueurs pour commencer. Les Devils, pour moi, c'est une équipe qui va nulle part présentement. Fait que, il a l'air d'être quand même. Bon, tu regardes les stats, c'est compté quelques buts, là, mais. Fait que sinon, Jeff, pour comme faire un peu le tour du podcast, puisqu'on ne fera pas tout le repêchage au complet, ça finira plus. Là, non, on a pas mal vu ce qu'on voulait voir présentement. Ce qui est important est passé, donc le top 10 vient d'être fait, là, même le top 12, on a couvert. Fait qu'il nous restait quelques petits points, quelques sujets pour terminer le podcast. Une équipe s'en va à Vegas, finalement, à LV, comme le diraient nos amis de TVA Chez Sport. Renault, ouais. Renault. Dans le fond, c'est ça, l'expansion en 2017 sera de 31 clubs. Il y a des rumeurs qui disent que le DG à Vegas serait Scott Mellanby, qui est un des assistants de Marc Bergevin. Okay. On verra bien. Dans le fond, je ne vois pas c'est quoi le lien avec Mellanby et Vegas. Peut-être que quelqu'un va me l'expliquer un jour, mais on va perdre quelqu'un dans l'entourage. Ça a l'air qu'il a perdu beaucoup d'argent au casino là-bas. Ah, fait que dans le fond, il est là. Il y a des parts déjà dans la ville à cause de ça. C'est bon, ça. Et puis, donc, nouvelle équipe d'expansion veut dire aussi. Ça veut dire que Québec n'a pas son équipe d'expansion. Il n'y en aura pas. Pas pour tout de suite. Enfin, ça n'aura aucun sens parce que dans le fond, tu ne peux pas mettre Québec dans l'Ouest. Puis géographiquement, tu ne peux pas avoir 32 club dans l'Est. Mais là, il disait que c'est encore peut-être possible avec un transfert d'une équipe existante, mettons, là. Bon, peut-être, dans le fond, on sait que la Caroline sont dans marde. Les Panthers sont dans marde aussi. Ça peut être possible. Ben, on verra bien, dans le fond. On vous le souhaite, Jean de Québec. Ça sera pas pour tout de suite, là. Moi, je pense que les expos vont arriver avant les Nordiques, mais ça, ça va. Serait-tu merveilleux, ça? Ça serait juste chien pour Québec. Mais là, vous avez d'autres chats fouettés, dont la loi du pitbull, donc occupez-vous de votre mère. Ça a l'air qu'il était menacé. Aïe, aïe, aïe, mais ça, on en parlera dans la jasette au pays. Sneak peek. Écoutez ça, la jasette numéro 50 qui s'en vient samedi prochain. Ouais. Édition Garden Party. Puis, ce que je voulais dire, en fait, par rapport à l'équipe d'expansion, c'est qu'il va y avoir aussi un repêchage d'expansion. C'est-à-dire qu'on va devoir protéger des joueurs, puis on risque de perdre. Mm-hmm. Toutes les équipes vont perdre un joueur. Ouais. Ça, c'est sûr. La manière que ça va marcher, les équipes ont le choix. Tu protèges 7 attaquants, 3 défenseurs et un gardien. ou tu repêches 8 joueurs. Donc, si tu si tu protèges 8 joueurs, ça peut être 4 défenseurs, 4 attaquants, 5 défenseurs, 5 attaquants, mais pas le contraire, parce que sinon, t'es épais, t'aurais à prendre 7 attaquants, 3 défenseurs, hein, et puis un gardien de but. Alors, aussi, l'autre affaire qui est importante, c'est que les joueurs qui ne font pas partie de la liste, c'est ceux qui ont signé leur premier contrat. C'est-à-dire qu'un gars comme Connor McDavid, lui, il va être sa dernière année de contrat de recrue. Fait que lui, dans le fond, les Oilers n'ont pas besoin de le protéger. Il est protégé automatiquement. Fait que ça va être intéressant de voir c'est qui les autres qui ne seront pas protégés. Et puis les équipes, les joueurs qui ont une clause de non-échange n'ont même pas besoin d'être. Ils sont protégés automatiquement. Fait qu'ils sont comme dans la marde. Ça prend un spot dans ton lot. Oups, hey, Siri qui me passe, excuse. Non, que je te respecte ça, Siri? Non, je regardais le panel pendant, ouais. Puis je suis comme subjugué par le panel en ce moment à TVA Sports. Qu'est-ce qui se passe? Le panel, c'est qui les spécialistes? Michael Lalancette, Louis-Jean, puis ton autre préféré à côté. Alain Chenet? Ouais, Alain Chenet. C'est eux autres, les trois spécialistes qui sont là pour parler. Ils ont des assez gros micros pareils, hein? Ouais, ben, tu sais, parce qu'il faut qu'il parle fort, là. Beaucoup de bruit là-bas. Michael Lalancette, qui est l'expert à TVA Sports, je vous le rappelle. Le gars à l'âge des joueurs dans la ligue. Le gars qui dit: tassez-vous, je suis Michael Lalancette. Je suis Michael Lalancette de TVA Sports, laissez-moi passer. Ta gueule. Ta gueule. T'as pas trop fort de contre lui, il va pleurer, là, en monde. Ouais, au moins, j'écris pas son nom sur Twitter pour qu'il me blasse. Pas qu'il me blasse, mais qu'il me reproche de dire des mauvaises choses. Ah, il va te muter ou te bloquer, là, de toute façon. Ouais, mais dans le fond, c'est ça. Donc, Jeff, il y avait un sujet dans la liste qui s'appelait Coin des rumeurs. T'avais toutes tes rumeurs en extra à nous donner? Ben, c'est dans le fond, juste pour résumer un peu les rumeurs qu'on avait parlé tantôt. Je vais plus parler des rumeurs concernant le Canadien de Montréal parce que c'est peut-être un petit peu ça aussi qui nous intéresse le plus. Ouais. Encore, je reviens sur Cam Fowler. Montréal, ça a l'air qu'ils sont extrêmement sérieux dans la course pour l'acquérir. Les rumeurs disaient qu'on échangerait notre choix au repêchage pour aller le pogner. Là, on a repêché un défenseur. Fait que si tu dis que ce deal-là est tombé à l'eau, je ne le sais pas. On a, selon moi, quand même un trou à défense à gauche encore à combler parce que on a Beaulieu, on a Emeline, on a Markov. Markov se devient vieillissant. Oh, on va-tu ouais, garder ouais, ces trois gars-là encore à gauche, Esti? À suivre, d'après moi. Dans les autres rumeurs, ça a l'air qu'on aurait de l'intérêt aussi pour Kevin Shattenkirk, encore là, un autre défenseur, mais là, c'est vraiment des affaires qui sont apparues aujourd'hui comme ça par hasard. Moi, je pense aussi que la rumeur présentement serait, là, je sais que vous allez me donner de la merde pour ça, là, c'est que ça pas première fois, là, Steven Stamkos, Montréal, vont lui faire une offre. Là, avec l'argent qu'on vient de sauver. Ben, ils vont lui faire une offre. Je t'assure. Ça veut pas dire qu'il va accepter s'il donne un million pour un an. Oui, c'est vrai, t'as fait une offre, mais c'est une offre de merde. On voit Ron Francis en ce moment à la télévision. Ouais, c'est des cheveux blancs. Il y a même face, mais des cheveux blancs. Il a l'air de Patrick Huard dans 15 ans. C'est vrai. Chris, c'est tout des Québécois. On pourrait faire un film. Un film sur le repêchage. Non, je sais pas qui est repêché, mais il semble avoir un nez pointu. On va voir le nom dans quelques secondes, là, en dessous. Ouais, Jake Bean, ça a l'air d'être repêché par les Hurricanes de la Caroline au 12e rang. Ben bravo, encore là il y a un pouilleux dans l'estrade. Un gars qui remonte ses culottes en arrière. Ouais, d'après moi le monde qui ont tous des badges, c'est-tu nécessairement du monde genre sur des passes parce que c'est des agents, des entraîneurs? C'est probablement ses médecins et puis son coach de vie. Ouais. Ouais, les jeunes aujourd'hui ont tous des coachs, un nutritionniste, un styliste. Un gars qui s'occupe de ton branding parce que, tu sais, vendre des casquettes, c'est bien important. Ouais, ça paye les billes. Mais si je reviens... Aux rumeurs, ouais. Aux rumeurs, c'est ça, c'est que Bergevin ferait une offre à Steven Stamkos. Steven Stamkos, dans le fond, en passant, les amis, à partir de demain, le 25 juin, tous les agents libres peuvent être contactés par les autres équipes pour parler de contrat. Fait que Stamkos, à l'heure qu'on est rendu ce soir, il est presque 9h, n'a toujours pas signé de contrat avec le Lightning de Tampa Bay. Fait que ça veut dire que demain, le monde peut commencer à parler à son agent. Fait que là, je vais te rappeler, mon GF, que on va prendre une gorgée avant. Ouais, tu vas me rappeler quoi, là? Steven Stamkos, là, c'est le meilleur ami de Piqué Subban. Ah, tu ressors pas ça encore, là? Puis il y a des rumeurs sur Subban qui vont être échangées, mais moi, je pense qu'il va rester à Montréal. Ça a l'air d'être assez clair là-dessus. Écoute, c'est lâchez-moi ça, là, Subban qui s'en va. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a juste aucun sens. Là. Non, mais je pense que le dossier est clos. Faudrait qu'il donne la lune là, pour Subban. Fait que personne ne va faire ça. Puis son salaire est vraiment imposant, comme ils disent. Entre autres, c'est pas un gars que tu échanges facilement. C'est ça. Fait que non, là, il va rester. Puis on lui souhaite une meilleure saison que l'année passée. Puis quand même, tu veux pas le perdre, Subban. Non, non, non, non, non. C'est pas un gars que tu remplaces. Puis on va être en retard de 10 ans si on perd un gars comme Subban. Ça, c'est comme un peu l'erreur qui est arrivée à Chris Chelios puis Denis Savard. Sauf que ça va être encore plus grave parce qu'on a quand même gagné la coupe avec Denis Savard. Mais si on échange Subban, oublie ça, là, Chris. On va perdre d'autres nos joueurs qu'on est dû pour signer comme Carey Price puis Pacioretty parce que là, on va être tout à l'envers, on va devoir commencer. Je vois du porc effiloché à TV, c'est dégueulasse. Mais j'ai faim pareil, ça me donne faim. Il y a des pickles dedans. Ouais. Fait que moi pour venir à Stamkos, écoute, c'est moi, j'aimerais ça. Ça m'excite tout le temps. Je sais que c'est pratiquement impossible. Moi aussi, j'aimerais ça. C'est sûr, mais je suis pas sûr que ça va arriver. Mais ça prend de l'argent. Tu peux pas dire non à ça là, si l'opportunité est là. T'as pas le choix d'essayer, il me semble. Ah, il faut que tu fasses une offre. Faut. Mais t'offres pas n'importe quoi non plus. Mais c'est tant qu'à faire un A, je me dis, tu vas-tu faire un A puis offrir 5 millions par année quand tu sais que tout le monde va offrir au moins minimum 8,5 ou 9. Ça, c'est stupide, là. Mais pour qu'on puisse avoir un gars comme Steven Stamkos, Marc va devoir se départir de contrat. Puis pour se départir de contrat, là, on vient de sauver 1,5 million avec Lars Eller, mais là, on va devoir peut-être échanger d'autres personnes. Là, on avait 9 millions plus. On a 10,5 millions disponibles présentement dans le club. Non, c'est pas. Oui, c'est ça, 10,5. Puis on a encore peut-être 3 autres places dans le club. Okay. On a 20 joueurs de signés. Fait que si tu prends un gars comme Stamkos, mettons qu'il en vaut 10,5, là, t'es une bostée, là, t'as plus de place. Ouais. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on échange un gars comme Plekanec? Est-ce qu'on échange un gars comme Emeline? Fais-moi rêver. Ça peut être possible, mais Marc l'a déjà dit dans le passé, faire des grosses transactions, c'est presque impossible. Marc, écoute, je vais dire. Ben, il a quand même réussi à échanger Lars Eller. Fait que, tu le sport, Marc, viens-tu de sortir de sa grotte? À suivre, on verra bien. Il a peut-être fini sa saison à NHL au PS4, puis là, il s'est dit, OK, là, j'ai appris, j'ai le temps d'y aller, puis je vais y aller. Donc, ça va être à suivre dans ce cas-là. Et puis, si je peux racheter d'autres choses par rapport... C'est plus une rumeur, ça l'était. Mais un ancien du Canadien de Montréal a perdu sa job aujourd'hui, Thomas Vanek. Ah oui, j'ai vu ça. Hey, le gars, il est parti au Minnesota parce que sa femme venait de là. Tout le monde savait qu'il dernier jour autonome parce qu'il allait signer au Minnesota. C'est exactement ce qui est arrivé. Puis il a perdu sa job. Il s'est fait racheter son contrat. C'est ça. Puis là, il devient agent libre. Tu signeras-tu, Vanek? Non, calisse, là. Oui, ça va faire. Je devais me poser la question. Ça va faire à un moment donné, là, lui. Là. Arrête-moi ça. C'est... Mais c'est ça qui est weird parce que je pense que. Il n'a jamais fait ce qu'il était supposé faire au Minnesota. Non, pas à tout. Là. Il est resté le même joueur qu'il était avec le Canadien à la fin des playoffs. Il a jamais comme repris un élan. Puis en plus, il a commencé à blaster que ses joueurs de centre n'étaient pas assez bons au Minnesota. Tu sais, à un moment donné, ta gueule. Pendant qu'on voit Claude Julien à la télévision. Ouais, il a l'air d'un gars... Qui ne sait pas trop ce qui se passe, je pense, en ce moment. C'est Henri et sa gang à TV présentement. C'est tellement vrai. C'est... Il a tellement l'air de boule dans Henri et sa gang. Il manque juste sa camisole, pas de manche. Fait que dans les rumeurs, c'est pas mal ça qui arrive. On parle peut-être, en tout cas, Montréal. Est-ce qu'ils vont signer un joueur autonome? Les joueurs autonomes, si je peux aller vite, mettons les gros qui sont importants. Il y a Andrew Ladd. Après Stamkos, qui est un ailier gauche, un gars qui était l'ancien capitaine des Jets de Winnipeg, qui est quand même un bon attaquant. Il a été changé à Chicago, il n'a pas fait grand-chose à Chicago non plus, mais c'est un ailier gauche. Il me semble qu'il manquerait de la place à l'aile gauche. Tu sais, si t'as changé Lars Eller, puis tu as changé Andrew Shaw à gauche, tu n'as pas commencé à mettre Daniel Carr sur ton top 6, ça n'aurait pas de sens. Fait que ça prend un autre allié dans le top 6 présentement. Parlant de pas de sens, il y a les Browns qui se dirigent vers le stage en ce moment. Puis Claude Julien. Hey, c'est-tu Cam Neely, ça? Ouais, puis Claude Julien qui est encore à sa job. J'en reviens pas. Que ce ah, là, c'est lui qui tient le chandail pour Boston. Ouais, ben c'est lui le porte-drapeau. Hey, Cam Neely s'est rendu grave. Ça n'a pas de crise de sens. C'est lui qui fait Seabass dans Dumb and Dumber, je vous le rappelle. Que que ça, Seabass? Yeah. Ouh, hein, ça change. Le temps fait son ravage. Et Chris, oui. Puis là, je vous rappelle que le petit gars qui marche avec l'équipe pour Boston, il y a Chardin des Blues de Boston qui a des pantalons verts. C'est qui son styliste? C'est Claude. C'est Claude Il y a l'air d'un papy. Il marche avec le dos courbé un peu par en avant. Ouais, c'est ça, c'est quand même assez weird. Là. Tu vois que Claude Julien, son centre de gravité est un peu flou. Il se promène, je pense, parce que... Le jeune, ses patins sont trop longs. Il aurait dû comme faire des doublures. Il était pas prêt. Non, il était pas prêt. Qu'est-ce que tu penses du club canadien JF pour l'année prochaine avec ce qu'on a vu aujourd'hui? Est-ce que le Canadien s'est amélioré? On est-tu égal? On est-tu moins bon? On s'est amélioré un peu à cause qu'on est cherché Andrew Shaw. Ça, c'est sûr. On n'est pas meilleur. On n'est pas encore, à mon avis, une équipe. On est moins poche parce qu'on n'a plus Lars Eller, j'ai l'impression. Oui, parce que dans le fond, il n'y a pas de place pour Lars. Puis c'est comme un boulet de partie. Ouais, ça fait des années que ça faisait dur. Puis Lars Eller nous a finalement rapporté Andrew Shaw, qui est, selon moi, peut-être un meilleur prospect, qui est plus jeune aussi, il coûte moins cher. Ça va être à voir, là. Il y a du gars, ça, c'est sûr, certain. T'sais, j'ai vu une couple de highlights de lui, puis écoute, il a pas peur de salaire du nez. Il va être parfait pour les matchs contre Boston, les Flyers, t'sais, des clubs robustes. Fait que, oui, ça a de l'allure, mais je pense qu'il y a encore un chemin à faire. Plekanec, si on commence avec lui sur le top 6, il jouait sur sa troisième paire, sur le troisième trio, à la fin de l'année. Moi, ça prend un joueur de centre, esti, aucun doute. Puis ça prend aussi un hôtelier, esti, dans le top 6. Puis d'après moi, ça va prendre aussi un défenseur gaucher. Yemlin, à 4.1, coûte extrêmement cher. Beaulieu m'inquiète. Fait que... Ah ouais, Beaulieu t'inquiète, tu trouves qu'il régresse. Je trouve qu'il régresse, esti. Tu sais, il est supposé être comparé à un défenseur... il est supposé être probablement un défenseur offensif. Il produit pas sur l'avantage numérique. Il bouge bien la rondelle, mais on dirait que quand ça compte, il y a de la misère à step up, à lever son jeu d'un cran. Il aurait dû le faire l'année passée, puis il s'est blessé, puis après, c'est cette pognée d'importé, puis ci, puis ça. Fait que cette année, c'est une année importante pour Nathan Beaulieu. Là. Il a signé un contrat de 2 ans, puis t'es mieux de produire cette année, parce que sinon, si ça marche pas, t'es dans la merde. Puis même, il y a beaucoup de rumeurs qui disaient qu'on l'impliquerait dans une transaction. Ça va-tu arriver? Je ne sais pas. Il y a encore du chemin à faire, selon moi. Toi, GF? Je pense qu'on a peut-être un petit peu meilleur club, mais pas tant que ça en ce moment. Il n'y a pas eu de gros moves qui ont changé la face de l'équipe. Puis je pense qu'il y a un problème au niveau du noyau du Canadien. Puis c'est pas réglé encore. Là. De ce qu'on a vu dans les informations aujourd'hui, Carey Price serait à 100% en santé. Il va aller jouer à la Coupe du Monde. Fait que j'ai hâte de voir. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai hâte de voir ce qu'il va avoir là, sa patinoire, s'il se blesse pas, puis s'il est vraiment en santé, ben là, ça nous remet dans le game quand même, parce que Price, c'est un gros morceau pour le CH. Oui, c'est sûr qu'avec ça va peut-être donner beaucoup plus de confiance à nos joueurs en avant. Fait que la Coupe du Monde va nous permettre de voir un peu si Price y est prêt ou pas. Fait que je pense que c'est une bonne nouvelle qu'il soit à la Coupe du Monde. Il aurait pu dire une fuck off, je vais attendre avec le Canadien, mais c'est un bon test. Je pense que mentalement, c'est bon. Ça va y remettre dans sa game, ça va lui faire voir un peu de glace, puis un peu de rubber, là, puis quoi que, tu sais. Il n'aura pas à faire les prouesses qu'il va devoir faire avec le CH à la Coupe du Monde avec ce qu'il y a devant lui pour le protéger. Là. Non, c'est ça. Dans le fond, ça va être comme un mini camp d'entraînement pour lui, mais avec des joueurs élites. Mm. Puis, toi, Condon, tu le gardes-tu comme secondaire ou tu vas chercher un gardien de but qui a peut-être plus d'expérience? Non, je pense que comme deuxième goalie, il pourrait faire la job, là, Condon. Ouais, j'ai pas eu ce que j'ai vu de lui l'année passée. Là. C'est pas un goaler de 50 games, mettons. Non, c'est pas un goaler numéro 1, mais il a quand même bien goalé au début là, quand il a fallu qu'il remplace Price avec la pression. Puis tout, il avait bien paru. Puis c'est pas de sa faute. Là. Moi, je mets pas le blâme sur lui pour la série de défaites. Là. Non, j'avoue que l'équipe était pas dedans pantoute. Puis il coûte pas cher aussi. Fait que d'après moi, je laisserais une chance. Mais si ça flanche, mettons. Parce qu'on se souvient que Boudaille, la raison pourquoi on a décidé de l'échanger aussi, c'est parce qu'à un moment donné, l'autre saison d'avant, quand il gaulait, il faisait rien. Esti, il gagnait même plus des games. Là. Fait qu'à un moment donné, ils ont voulu s'en débarrasser. C'est Tokarski qui a pris sa place. On va donner une chance à Condon, puis on va donner aussi une chance au staff du Canadien pour voir si oui ou non ils vont améliorer le club d'ici le 1er juillet. En tout cas, il y a Michel Therrien qui est vraiment confiant par rapport à l'avenir du Canadien, puis lui, ce qu'il vient de rapporter. J'ai des petits commentaires de Michel Therrien ici. On l'écoute. Et toutes les gens au sein de l'organisation, c'est le buzzer. Et je suis convaincu qu'on va ramener la Coupe Stanley dans un avenir rapproché à Montréal. C'est comme ça que je vois ça. Rapproché, c'est genre minimum combien d'années, ça? Après moi, c'est du 5 ans, ça? Maximum 5 ans, là, que selon ce qu'il pense, lui. Moi, d'après moi, il voit ça dans 2-3 ans. Fait que s'il faut que ça dans 2-3 ans, il faudrait qu'on fasse de quoi là. On va-tu signer des joueurs autonomes? On va-tu faire des échanges? Je sais pas. C'est ça, c'est intéressant, c'est pas fini encore. Là. Il y a encore le repêchage, il y a encore la date butoir là, avant qu'on puisse plus faire les. On n'a plus de choix de deuxième ronde. Non, c'est vrai. on n'a plus rien. On a donné nos deux choix à Chicago pour aller chercher Andrew Shaw. Puis les choix de choses de Washington, c'est un choix de 2017 puis 2018. Ouais. On a deux choix de deuxième ronde de 2018, par contre. Dont celui... Non, on va en avoir trois. On a celui de Chicago, on a celui de Washington, puis on va avoir le nôtre. Fait que ça, c'est de la monnaie d'échange. Est-ce qu'on va faire un deal pour aller chercher un choix de deuxième ronde? Le Canadien disait qu'il aimait bien gros Samuel Girard en repêchant défenseur en première ronde. Je pense qu'on peut l'oublier. Ça serait à suivre, dans le fond. Ouais, ouais. Soyez attentifs. Je vais tweeter à l'occasion. Et puis, même que... Je vais même en profiter aussi parce que là, on avait promis quelque chose aujourd'hui, puis je pense que... Ah oui, c'est vrai. Il restait toujours ça à faire. Ouais, là. Alors, c'est le temps du traditionnel call-out. Alors, ben voici le thème des call-outs. Georges Larrac. En début de semaine, tu as déclaré que le 24 juin, le Canadien allait faire une transaction qui allait changer l'image de club à jamais. Deux jours après, tu t'es dit qu'ils vont faire un échange dans les trois prochains jours. Tu t'es ressaisi. Après ça, hier, tu dis que tu connais quelqu'un des Oilers d'Edmonton qui te dit que Marc demande Leon Dreisaitl et un choix de quatrième ronde pour piquer Subban. Non, ben, tabarnak, si t'as qu'à inventer des hosties d'histoires de marne, ferme ta gueule, calice. À matin, en plus, le 91.9, ils veulent tellement promouvoir cette hostie de calice de 100 dessins-là qu'ils vont dire « Ah, on a un scoop pour vous autres, sauf qu'on va attendre à une heure de vous le dire. » Tabarnak! Non, mais Georges Larrac, t'es même pas un insider. Puis selon toi, là, les Nordiques, ça va jouer l'année prochaine. Canadiens ont repêché 4e. Je te rappelle qu'on a repêché 9e. Ils ont rien fait, style majeur, tabarnak. Ferme ta gueule. Chez 91.9, vous avez de la misère. Vous avez pas d'argent pour pouvoir arranger votre grichage à la radio. Là. Mais à un moment donné, là, quand tu te retrouves à 91.9 puis t'es analyste pour cette chaîne de radio-là, là, c'est parce que personne veut te tuer, tabarnak. Fait qu'à un moment donné, là, réveillez-vous, hostie. Puis le monde qui écoute ça, sacrément, il y a d'autres postes de radio plus intéressants, puis il y a des podcasts aussi qui parlent de hockey qui sont beaucoup plus intéressants qu'eux autres. Fait que ta gueule, Georges! Ferme ta calice de gueule! Alors, c'est un excellent moment pour vous parler de notre association avec le 91.9. Ah, je suis plus capable. Ce gars. Et là, tout le monde est rendu un insider, tout le monde a des rumeurs, les blogs, les journalistes sportifs, Georges Larrac hein, qui boit ses smoothies verts, tout le monde. Arc, tout le monde. Des smoothies au gazon. Ah, sûrement. Ben oui, ben, Larrac Azou. C'est bien. Et je viens de voir un nom bizarre, Luc Cunin. Luc Cunin, ouais. Je sais pas d'où ce qui vient. Mais un centre qui s'en va avec le Wild. Puis il y a eu juste avant ça également Charlie McAvoy, un défenseur qui s'en va avec Boston. Ah, puis il a joué à Boston University. Oh, alors c'est un diplômé de Boston. Boston, comme dirait Michael Lalancette. Non, mais sérieux. Boston. Ça, c'est assez spécial. Le gars de Boston. Parce qu'on était défoncés tous bien avant Boston. Fait que Jeff, ça fait pas mal le tour de nos sujets, je pense, pour cette couverture. Ouais. Finalement, c'était un top 14 qu'on a couvert pour... C'était plus vite que je pensais, honnêtement, parce qu'il est rendu 9h, puis je pensais pas qu'on aurait le choix du Canadien si tôt. Non, fait que ouais, ça a été quand même rapide, mais il y a encore beaucoup de stock qui s'en vient dans les prochains jours. Fait que on risque de faire un épisode un peu plus tard dans l'été, nous autres, comme on disait, dès que les revues vont sortir, là, puis parler des choix de poule. Ouais. On risque d'avoir un épisode aussi... De Poug, la soirée du podcast. Puis sinon, suivez notre Facebook, notre Twitter, la soirée du podcast sur Facebook, @soirée du podcast sur Twitter. On va annoncer quand on va ouvrir le pool public, possibilité d'un commanditaire cette année avec le pool. Ouais, une petite surprise pour vous autres. Ça s'en vient, alors on vous tient au courant dès qu'il y a des choses qui s'officialisent. Fait que c'est tout. On se revoit à la prochaine, tout le monde. Ciao! Soyez prudents.